Bienvenue dans la grande revue de presse JV, grand format mensuel ou presque, hein, dans lequel nous débattons joyeusement entre personnes de qualité, à savoir des sexy tipeurs et votre humble serviteur. Dans la première partie d'émission, on va revenir sur un fait, sur une news qui a agité la planète gaming ces derniers jours. On va rester peut-être 20-30 minutes dessus, pas plus, mais le grand débat de la soirée, c'est le jeu solo. Le jeu solo qu'on n'arrête pas de dire qu'il va mourir, qu'il n'intéresse plus personne, alors qu'en fait c'est un peu plus compliqué que cela. Mais je vais tout de suite présenter les tipeurs de choix de qualité qui m'accompagnent ce soir. Tout d'abord, Lina Nounette. Bonsoir Lina Nounette. Bonsoir. Nous avons également avec nous Ball42. Bonsoir, bonsoir. Machin Truc76. Bonsoir. Mopral. Bonsoir. Et Pikachoux. Bonsoir. Comment allez-vous, chers amis ? On va bien. Impeccable. J'aimerais qu'on revienne, on en a parlé un petit peu en off avant, effectivement, de cette histoire toujours de décision de l'OMS, l'addiction des jeux vidéo, tout ça. Ça a créé un torrent de protestations sur Twitter, comme d'habitude, un peu partout. Les gamers se sont levés, ont hurlé au scandale. Est-ce que quelqu'un veut rappeler les faits, peut-être Lina Nounette ? Oui, si tu veux. Eh bien, écoute, cette semaine, on a appris, je ne sais plus quel jour, que l'OMS va renouveler sa classification des maladies, en fait, et envisage d'inclure dans tout ce qui est dans l'addiction, en fait, dans les maladies relatives à l'addiction, l'addiction aux jeux vidéo. Alors, sachant que là, c'est pas encore fait, puisque, si je ne me trompe pas, c'est une modification qui a lieu à peu près toutes les 20 ans, et la prochaine sera vraiment effective à partir du 30 mai 2019. Ok, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont lâcher là-dessus, puisqu'il y avait déjà eu une première proposition. Là, on semble aller vers la validation, il me semble. Oui, je pense aussi. Je pense qu'ils vont pas lâcher. Alors, il est très important, déjà d'une part, contrairement à certaines bêtises qu'on a pu lire à droite à gauche, que ce n'est pas le jeu vidéo en tant que tel qui est considéré comme une pratique maladive, hein, attention. Ce n'est pas non plus le jeu vidéo qui va vous rendre complètement fou, zinzin. C'est juste, et certains feraient mieux de lire les textes dans le détail avant de hurler, l'addiction au jeu vidéo en tant que tel, c'est ça qui est pointé du doigt et pas le jeu vidéo responsable de tous les maux et de nous détraquer la cervelle, en gros. Après, finalement, l'addiction aux jeux vidéo, enfin, comme ça, je pense qu'ils vont le mettre au même niveau que les addictions à, par exemple, au cannabis, trucs comme ça, où effectivement, c'est pas une cause principale, mais c'est effectivement une cause sous-jacente d'autres problèmes, et justement, je pense que c'est sur cet angle-là qu'ils veulent l'amener, pour reconnaître qu'effectivement, ça peut être un problème pour certains jeunes ou même pour certains adultes qui se réfugient dans le jeu vidéo, comme ils se réfugient dans l'alcool ou se réfugient dans le cannabis, pour fuir des problèmes autres qui peuvent être de société, de mésentente au travail, mésentente avec les parents, avec les collègues, tout ce qu'on veut. Alors, a priori, ça va être assez similaire à l'addiction aux jeux d'argent, en fait. Et il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, en fait, pour prouver qu'il y avait une addiction possible aux jeux vidéo. Ça ne veut pas dire que le jeu vidéo rend addict, mais que des personnes peuvent être addictes aux jeux vidéo. Si vous voulez en savoir plus, moi je vous conseille d'écouter, si vous connaissez le podcast Silence on joue de cette semaine, puisque Erwan Cario a interviewé un clinicien qui a travaillé là-dessus. Et donc il explique très bien comment ça s'est passé, et notamment les critères qui sont mis en place. C'est-à-dire qu'il y a des critères cumulatifs pour pouvoir mettre un diagnostic sur une personne. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un ado est fou de jeux vidéo, est passionné de jeux vidéo et va jouer 5 heures par jour qu'il est addict aux jeux vidéo. Il faudra qu'il s'isole, il faudra que ça soit au détriment de son sommeil, de sa nourriture, etc. Donc c'est très précis, et c'est une addiction qui a quand même été établi scientifiquement par des essais cliniques, qui est contrairement par exemple à l'addiction aux écrans portables, etc. Je te remercie d'avoir précisé tout ça, Lina Nounette. Donc c'est vraiment hyper important de rappeler cela, sachant que ce qui peut être un petit peu, je pense, de prime abord comme ça un peu gênant quand on est passionné de jeux vidéo comme nous, c'est de voir le terme jeu vidéo effectivement accolé à d'autres termes comme comme le disait tout à l'heure, je crois c'était Pikachu ou Ball, je sais plus, au cannabis, à l'alcool, etc. Donc ça, au début, ça peut faire un peu peur, ça peut mettre de l'eau au moulin de ceux qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, s'imaginent que le jeu vidéo, ça vous déglingue la cervelle et voilà. Mais bon, je pense que il y a vraiment de l'explication, de la pédagogie à faire derrière cette annonce, y compris même chez les gamers. Et là, vu comment tu viens de le résumer, les nanounettes, je pense qu'on peut pas réfuter ça, quoi, en fait. Bah, c'est-à-dire que scientifiquement, a priori, moi, je suis pas psychologue clinicienne, donc je vais avoir du mal à me prononcer sur la pertinence, mais a priori, il y a des études qui ont été établies, qui sont claires, sur une portion par exemple de gamers professionnels, ils considèrent que on peut en estimer qu'il y a 1 ou 2% qui seraient accros, donc ce qui est une proportion assez faible, même si c'est toujours trop. Et puis c'est surtout, enfin il y a deux choses, c'est que ça permet aussi de réfléchir à des protocoles pour permettre à ces personnes de s'en sortir, et deuxièmement ça permet aussi d'éviter que tout le monde soit vu comme des accros aux jeux vidéo au sens d'addictologie. Et il faut bien faire la distinction entre le passionné, c'est-à-dire celui qui a envie de jouer parce qu'il aime ça, et s'il ne peut pas faire sa partie ou s'il n'a pas le temps de jouer, bah, c'est pas grave, il prend sur lui. Et puis, comme toute autre passion, je dirais, gérer de manière raisonnable, que la personne ou l'ado, par exemple, qui va envoyer chez sa mère ou lui balancer une manette sur la tête parce qu'il ne peut pas jouer, bon, là, on est comme dans deux mondes différents, effectivement. Comme tu dis, effectivement, je pense que le maître mot, c'est raisonnable. Oui, mais la raison dans le jeu vidéo, je trouve aussi qu'on a pas mal de joueurs dès qu'on s'attaque un peu à leur jeu, et pourtant, le jeu vidéo, quand même, c'est quelque chose qui est hautement critiquable, enfin, comme plein d'autres moyens. Bah, comme tout autre art ou passion ou... s'érige en défenseur de je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas trop ce qu'ils essaient de défendre, voilà, on peut pas critiquer le jeu vidéo, ça suscite des cris d'offrets, etc. Après, je peux aussi comprendre, le jeu vidéo se fait tellement taper sur la tête pour des raisons complètement injustes, enfin je veux dire, dès qu'il y a un massacre, on va regarder si le gars il jouait pas à Call of Duty. Exactement. Je peux aussi comprendre ce réflexe, mais on a aussi le droit d'utiliser un peu notre cerveau. Quelque chose à rajouter, messieurs? Je pense que c'est très bien résumé. Ah non, très bien résumé le sujet. Rien à dire de plus. Si, pour compléter, il y a, pour ceux qui sont privés chez Gamekult, il y a un article dont la première partie justement parle de ça. L'addiction aux jeux vidéo, une vraie maladie, leur enquête. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais aller le faire. Si y en a je pourrais donner un code à qui veut. Oui, moi aussi j'ai un code pour ceux qui veulent. Et on rappellera et que sinon, ce n'est pas parce que... Oui, excuse-moi, vas-y Pikachu. Non, vas-y. Bah non, j'allais dire, allez écouter le Silence on joue avec Erwan Cario. Ils font un sujet dessus avec Patrick Cario et c'est très bien expliqué. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il me semble que Libé en a fait sa une. Et j'ai pas eu le temps d'aller le chercher. Je voulais aller le chercher pour l'émission justement. Je voulais vraiment récupérer cet article. Alors, je pense qu'il y a peut-être un moyen sur leur site de le récupérer. Donc j'imagine qu'Erwan Cario, qui travaille aussi pour Libé, a dû participer à ce papier dans le journal. Mais le Libé en avait fait sa une là, il y a 2-3 jours, je crois. Justement, un gros dossier sur, sur cette décision de l'OMS. Et j'imagine que l'article est bienveillant, il fait vraiment la part des choses, voilà, comme on le fait nous ce soir. Mais je trouve que, en général, Erwan Cario, c'est. Enfin, pour avoir écouté ses anciens podcasts, parce qu'il ne faisait pas que Silence on joue, il faisait aussi écran.fr, enfin aussi un podcast sur les nouvelles technologies, etc. Enfin, il est très branché sur toutes ces thématiques, en fait, et sur tout ce qui est science. Et donc, en général, c'est assez mesuré et aussi assez clair et précis. C'est aussi pour ça que c'était assez intéressant le débat dans Silence on joue auquel on se réfère, parce qu'il y avait vraiment, je trouve, deux position, la position de Patrick Cario qui était plus viscérale, je suis passionné de jeux vidéo et je défends le jeu vidéo. Enfin, on sentait que c'était vraiment, voilà, c'est un sujet qui tenait à cœur. Et Erwan Cario qui était plus dans des arguments concrets, factuels en fait. Bah, moi je me trouverais entre ces deux positions-là, en fait. C'est que, comme on le rappelait à l'instant, c'est pas parce que on attaque le jeu vidéo vraiment à tort et à travers qu'il ne faut pas non plus masquer les vraies problématiques. Et en même temps, c'est vrai qu'en tant que passionné, il y a une petite réaction. On se dit, bon, ça y est, on nous tape encore dessus, il y en a marre, alors qu'il y a tellement de belles choses, etc. C'est tellement merveilleux, le jeu vidéo, ça brasse tellement de choses formidables. Mais effectivement, on sait que ça existe. Voilà, des personnes qui sont complètement addictes à ne plus se nourrir, etc., à perdre toute vie sociale. Donc, je pense que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien d'agripper ce problème, voilà, par le callback. Et voilà, il faut arrêter, je pense, quand on est passionné de jeux vidéo, justement, si on aime vraiment cette passion, si on aime vraiment cet univers-là, il faut aussi savoir balayer devant sa porte, et c'est super important. Non, puis il y a aussi que, en l'occurrence, à mon sens, le jeu vidéo n'est pas, enfin, c'est pas le jeu vidéo qui est remis en cause, qu'on accuse, c'est juste qu'on constate qu'il y a des personnes qui peuvent aller être accro à ce produit, au-delà du raisonnable. On va pas, par exemple, on va jamais remettre en cause les qualités d'un terroir, d'un bon vin, les qualités d'un excellent rhum, etc. Mais à aucun moment, aucun amateur d'alcool, au sens de amateur éclairé, ne va dire « Ah non, les alcooliques, ça n'existe pas ». Oui, exactement. Et ça me rappelle aussi ces procès qui étaient faits sur le jeu de rôle, vraiment le jeu de rôle plateau. Oui. Je me souviens d'un fait divers. Alors moi, je ne suis pas trop dans l'univers du roleplay plateau, mais ça m'avait extrêmement marqué. J'étais adolescent. Un fait divers d'un ado, justement, qui s'était tué parce qu'il avait sauté de la fenêtre de sa chambre, en fait, donc qui était située, je sais pas à quel étage, donc il s'était tué en tombant, parce que il imaginait que des loups l'attaquaient dans sa chambre en pleine nuit, et cette personne était vraiment passé ses journées et ses nuits quasiment sur des jeux de rôle plateau. Et c'était devenu vraisemblablement un refuge pour lui, complètement, quoi. Il s'était complètement enfermé du monde et ne jouait qu'à ça du matin au soir. Et bon, la cafetière, elle a surchauffé au bout d'un moment, et le pauvre gamin, bon, il a sauté de la fenêtre, quoi. Voilà, ça veut pas dire que tous ceux qui pratiquent du roleplay sont des gens complètement renfermés sur eux-mêmes, à moitié dingues. Vous voyez, donc je pense que ça peut se... À partir du moment où il y a cette notion de jeu, de passion qui rentre en jeu, bah, des personnes qui sont un petit peu plus fébriles ou qui ont un profil, je pense, voués à être addicts à quelque chose pour échapper à une réalité ou toute autre raison. Après, je ne suis pas psychologue non plus. Quelque chose comme le jeu vidéo, le jeu de rôle ou autre, ça peut être pour eux un refuge peut-être un peu trop fort, et voilà, et aller vers les dérives qu'on connaît. Après, moi, ce qu'il faut aussi, c'est que les protocoles soient clairement établis, quoi. Que ce soit pas une sorte de diagnostic facile à mettre en place, quoi. Bah, en l'occurrence, je pense que, j'ose espérer que l'OMS est mieux placé que nous sur comment établir un protocole d'études cliniques. Non, mais c'est surtout leur dessin, quoi. Donc, parce que c'est pas justement les personnes de l'OMS qui vont forcément ausculter tous les gamins qui avec des problèmes liés à ce média, quoi. Donc il faut pas non plus que c'est la redescente d'information, c'est surtout ça. Les moments de poser le diagnostic, c'est pas parce que je sais pas si c'est le psy, le médecin de famille qui va poser la question, qui va recevoir le gamin, il fait il joue 3 jours par jour, je sais pas, c'est l'addiction, quoi. Donc c'est surtout ça, moi, qui me fait peur, c'est que on y mette après tout. Que ce soit mis à tort et à travers. Il peut y avoir des dérives, voilà. Ce que tu veux dire, c'est que ça peut valider certaines dérives de diagnostic un petit peu facile à la base, que ce soit le médecin de famille ou autre, ou peut-être plus voilà, ça qui te... Oui, les formations derrière, quoi. C'est surtout ça que j'ai envie de voir comment ça va être traité et mis en place. Ouais, moi, j'ai une anecdote à ce propos. Mon gamin adore Minecraft, il en parle avec ses copains, et j'ai sa maîtresse l'autre jour qui est venue me voir en disant « Bon, je vais vous dire, je trouve qu'il parle beaucoup de... Il parle que de Minecraft avec ses copains en ce moment. Il parle que de jeux vidéo. » Comme si il parlerait d'un dessin animé, ça aurait pas posé de soucis. C'est exactement ça. Et donc le jeu vidéo a toujours cette image Un petit peu de ouh, attention danger. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Moi, quand j'étais jeune, bah, c'était le club Dorothée, l'ennemi à abattre. Oui, les enfants, ils parlent trop de Dragon Ball, ils parlent trop de Saint Seiya. Effectivement, maintenant, les enfants, ils parlent trop de Minecraft. De toute façon, les profs trouveront toujours une excuse pour dire oui, ils s'intéressent pas assez à l'école et tout. Enfin, après, comme ça. Alors, ça n'empêche pas de. Moi, je vois le mien, il a 36 activités, il fait 36 trucs dans une journée. Le jeu vidéo, ça représente, on va dire, voilà, c'est une activité, enfin, c'est une passion pour lui, mais il fait plein d'autres choses. Mais bon, il a parlé de Minecraft. Donc, aïe, oui, jeu vidéo, attention. Donc, bon, ça m'a fait sourire plutôt qu'autre chose, mais on peut imaginer certaines dérives dans ce sens-là aussi. C'est une question de génération. Hein. C'est fou, mais. Mais enfin, pas que. Génération, pas que génération. Que... Déjà, les enseignants que tu as à l'heure actuelle, je veux dire, ils ont nos âges, en tout cas. Bruno, bah, je crois que c'est moi, elle est plus jeune que moi. Elle est plus jeune voilà. que moi, je crois. Ça dépend. Oui, c'est aussi une question d'éducation, d'ouverture d'esprit. Enfin, je veux dire, moi, je suis issue d'une famille d'enseignants et mes parents sont hyper ouverts sur la question du jeu vidéo, etc. Donc, ça dépend. Moi, plus que l'âge ou de la génération, ça dépend de la curiosité intellectuelle de la personne que tu as en face. Tout à fait, ouais. Exactement. Les gamins parlent beaucoup. Parce que j'ai souvent été très déçu, et ça tu vois quand tu prends de la bouteille, de voir que certaines personnes qui sont même plus jeunes que toi, des personnes de 30 berges par exemple, qui vont avoir un avis... Mais de papy de 75 ans sur la question, quoi. Il s'imagine que c'est l'enfer, que c'est des headshots, que c'est les tripes qui volent et que voilà. Et tu te dis non, mais les gars, quand même, mais vous avez vécu dans une grotte toutes ces années, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai envie de te dire, c'est ça qui donne les parents qui vont s'affoler parce que leur enfant est devenu passionné de jeux vidéo. Parce que, je veux dire, à un moment, qu'est-ce qui fait que tu détectes l'addiction ou pas? C'est si tu t'intéresses vraiment à ce que fait ton gosse. Si tu lui mets une télé dans sa chambre, un accès à une console et que tu regardes pas ce qu'il fait et tu dis, oh mon Dieu, mon gosse, il passe 6 heures par jour à jouer à la console. Il joue à quoi? Je sais pas. Je sais pas s'il joue à Minecraft ou s'il joue à GTA quand il a 8 ans. C'est quand même problématique, quoi. Mais carrément. Par contre, le fait qu'ils aient le nez tout le temps sur leur... Là, je fais vraiment mon mode vieux con, hein, je suis désolé, mais qu'ils aient le nez sur le portable du matin au soir, qui est une addiction, je pense, qui est extrême, et qu'on peut voir, il suffit de descendre dans la rue, on le voit. Ça, par contre... Eh bien, tu vois, pour le coup, tu écouteras aussi le podcast Silence on joue, parce que Erwan Cario en parle. Ils en parlent, ouais. Ils ont fait des études dessus, et pour le moment, il n'y a pas... d'addiction reconnue au sens addiction, c'est-à-dire clinique d'addiction, c'est-à-dire que tu peux regarder ton portable 800 fois par jour, si ça nuit pas à ta vie autour, si tu n'arrêtes pas de manger, si tu n'arrêtes pas de dormir, si tu n'arrêtes pas d'avoir une vie à côté, et ben t'es pas addict. C'est dingue quand même, hein. Après, la frontière elle est mince parce qu'il y en a qui ont des accidents parce qu'ils regardent des textos, ils envoient des textos, ils sont en volant. Ça, c'est parce que c'était maladroit. Non mais ce que j'allais dire, sur les écrans, généralement c'est pas tant des addictions à l'écran, aux écrans, c'est plus des addictions, addictions avec des grandes guillemets, plus des addictions en fait à la connexion avec les autres en fait, c'est-à-dire que les gens, il y en a certains qui effectivement sont pas connectés, c'est pas le problème, c'est pas de ne pas avoir accès à leur écran, c'est de ne pas avoir accès aux autres personnes à qui ils parlent. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a aussi, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont jusqu'à griser, qui vont dans les paramètres de leur téléphone pour griser les notifications pour pas que ce soit un petit rond rouge qu'on a par exemple au-dessus de l'appli, au-dessus de l'icône SMS ou ce que vous voulez, mais que l'icône soit gris pour que ça incite moins à aller voir tout de suite qui vous a répondu, qui vous a. On sait qu'il y en a qui font des détox carrément. Alors je connais plus le terme exact. Mais qui vont passer une semaine, je sais pas, dans une ferme où tous les portables sont coupés, pour un petit peu se désintoxiquer de cette connexion H24. Pour moi, si on n'est pas dans l'addictologie, on n'en est quand même pas loin. Enfin, moi, je mets ça sur le même niveau parce que ça bouffe tellement la vie de certaines personnes que je sais pas. Bah, je pense que la limite, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que est-ce que tu maîtrises encore ton utilisation de ton téléphone et tes écrans ou pas? Est-ce que tu peux t'en passer ou pas? Tant que c'est pas au détriment de ta propre vie ou de ta vie sociale tout autour, c'est compliqué. Donc ça dégrade pas ta vie. Ouais, mais ça la dégrade pas peut-être. C'est pas aussi voyant que quelqu'un qui va effectivement s'enfermer dans un MMORPG H24, d'accord. Mais c'est quelque chose, je pense, qui t'accompagne et qui peut te bouffer les nerfs au quotidien. Et je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte de ça. Je pense que cette ultra connexion a fatalement. On n'a peut-être pas assez de recul pour s'en rendre compte. Peut-être, mais je pense que ça a des conséquences sur le caractère, enfin sur l'humeur, sur la façon de gérer peut-être sa journée. Moi, j'ai l'impression que certaines personnes, enfin toutes celles que je vois dans la rue et de plus en plus jeunes, sont tout le temps, mais agrippées à leur portable. Et peut-être que nous, on est pareil aussi finalement. Moi, il m'arrive souvent dès que j'ai 5 minutes, je regarde. Je sais pas. Mais bon, là, on s'éloigne du débat. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette décision de l'OMS ou on passe au gros morceau de la soirée ? C'est bon pour moi. On va passer au gros sujet de la soirée, à savoir le jeu solo. Ça fait longtemps qu'on en parlait sur le Discord. On avait envie d'évoquer ce sujet-là, à savoir que le jeu solo est, depuis maintenant plusieurs mois, mis un petit peu en cause. Alors, soit on dit qu'il ne se vend pas, soit on dit que les gros studios n'en veulent plus. Que c'est le multijoueur qui règne en maître. Avant qu'on attaque le débat, il y a cette déclaration de Cory Barlog, le directeur du dernier God of War, qui est un gros succès, exclu Sony de jeux solo, qui a déclaré ceci: il n'y a pas de compétition entre les jeux solitaires et les jeux multijoueurs. Déjà, j'aimerais avoir votre avis, vous personnellement. Est-ce que vous êtes plus solo ou plus multi, Lina Nounette? Ah bah moi, plus solo, mais genre 90-10%, quoi. D'accord, exactement comme moi. Je suis pas multi du tout. Vous, messieurs? Moi, personnellement, je dirais, je vais être un peu comme Lina Nounette, ouais, multi, enfin solo à 90-95%. Alors, quasiment le seul multi que je faisais, c'est un petit peu d'Overwatch, mais j'ai un peu arrêté, et du Diablo avec ma femme, quoi. Ouais, c'est pareil. Solo à plus de 90%. De toute façon, j'ai déjà pas le temps de jouer en temps normal, alors jouer en multi, c'est encore pire. Bah, pareil pour moi, 90%, 95% de tous mes jeux sont en solo, voire même 100% sur l'année dernière. Je fais une exception cette année avec Monster Hunter, et c'est pas un vrai multi. Oui, en plus. C'est vrai. Bon bah je vois qu'on a bien conclu le débat là. Bon. Le solo n'est pas mort. Enfin, bon bah voilà. C'est pas du tout biaisé. Mopral, non, tu as répondu Mopral? Oui, non, j'attendais. Alors, mon cher Mopral, es-tu multi? Ouais, alors moi c'est 90% multi, 10% solo, donc voilà, je pense que le solo va mourir, hein, je suis désolé. Non mais en vrai moi, c'est un peu plus de multi. Je suis un peu plus de multi, moi je dois être à peut-être 70-30, je dirais. Enfin, 70 solo, 30 multi, mais après c'est vrai que je suis pas non plus un gros consommateur parce que, comme beaucoup, je pense, j'ai un gros backlog de jeux à faire. Et le problème du multi, c'est que ça se finit pas. Donc voilà. Et puis qu'il faut. Je pense qu'en plus, le problème du multi, c'est que ça demande une certaine. Enfin, de l'entretien, au sens toujours progresser, toujours avancer. Et... Alors que le solo, t'avances à ton rythme en fait. Je suis pas totalement d'accord parce que ça dépend des jeux pour le coup. C'est vrai qu'un jeu comme Monster Hunter, comme tu citais Pikachu, c'est effectivement là, c'est vraiment il faut continuer à jouer tout le temps. Il y a des jeux qui sont un peu plus comment dire où la courbe de progression est moins flagrante aussi. Et puis il y a vraiment des jeux, c'est juste une petite session comme ça. C'est t'as pas besoin, tu viens juste pour t'amuser un peu et puis après tu repars. Enfin, l'exemple que j'avais c'était Team Fortress 2 auquel j'ai beaucoup joué. Alors effectivement il y a un petit temps d'adaptation, faut s'y faire aux classes. Mais je pense qu'il y a un moment où voilà tu te lances une partie, tu joues une heure et puis là t'es content. Il n'y a pas besoin de même si ça fait un an que t'as pas joué. Ouais, tu mets un peu de temps, mais ça va, quoi. Quelqu'un veut rebondir là-dessus, non? Non, bah disons que bon, quand on voit toutes les annonces qui seront faites sur les prochains jeux à multi à sortir, et pour moi, ça dépend conséquence directe. Hein. Il y a des jeux que je vais essayer, que j'achèterai pas. comme le Fallout 76 qui me tentait pas mal aux premières annonces, etc. Dès qu'on m'a dit que ça allait être massivement multi, bah, j'ai dit, bon, en l'état. Alors non, non, c'est pas massivement. Le truc, c'est que pour le coup, le Fallout 76, c'est un peu. Enfin, c'est pas vraiment un jeu massivement multi. Parce que de ce qu'ils expliquent, c'est de la. Ça va être de l'instancier en. Je crois que j'ai dû lire un truc genre 10, 15 joueurs. En fait, c'est du petit serveur comme on faisait à l'époque, on faisait un petit serveur CS ou un Overwatch, quoi. C'est ouais, c'est contrairement à Rust ou un truc comme ça où tu te dis, ouais, t'es je sais pas combien. Enfin, non, j'ai jamais joué à Rust ou à DayZ, mais j'ai l'impression que justement, ils essaient sur des petits serveurs et que c'est pas 2000 joueurs sur le serveur, quoi. Ouais, mais ça demande quand même une organisation au niveau de ton emploi du temps. Sans faire de connexion d'ailleurs à l'excellente précédente grande revue de presse JV, on parlait du temps de jeu. Est-ce que le multi, c'est pas forcément. Est-ce que c'est pas lié aussi, je veux dire plutôt, au fait qu'on soit célibataire ou qu'on soit jeune, c'est-à-dire qu'on ait du temps, est-ce que c'est pas lié aussi au temps de jeu, tout simplement, le fait de pas aller vers le multi, ou c'est vraiment par goût? Du fait de préférer le jeu solo, tout simplement, que ce soit en termes de gameplay, d'enjeux, de sensations. Personnellement, moi, c'est pas une histoire de temps, parce que j'aurais bien aimé, là, vous avez parlé de jeu, moi, je suis un gros joueur, c'est-à-dire que je peux jouer 3-4 heures par jour, parce que déjà, je me tape 2 heures de train, plus, ouais, 2-3 heures le soir. Moi, c'est pas une histoire de temps, c'est plus une histoire de contrainte. C'est-à-dire que j'aime pas jouer en multi contre des inconnus, donc je préfère jouer avec mes amis, mais le problème de jouer en multi avec tes amis, ça veut dire que tu dois dire tel jour, tu dois te connecter à telle heure, de telle heure à telle heure, pour pouvoir jouer, et que sinon, ce qui se passe trop souvent, c'est que si tu viens pas sur des jeux multi à évolution, t'es pas venu, donc là, tes potes ils ont pris du niveau, toi t'as pas le niveau, t'as pas le skill, et puis tu t'amuses de moins en moins, puis au bout d'un moment, tu fais les mecs qui disent, mais t'es gentil, mais comme tu viens jamais, on joue sans toi, quoi. Bah, change d'amis. C'est une bonne conclusion. C'est une solution, en effet. Moi, je suis exactement comme toi. C'est que je suis. C'est la contrainte, mais en fait, qui me repousse totalement, en fait, sur le multi. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai peu le temps de jouer et j'aime avoir le choix quand j'ai envie de jouer pour voir y jouer tout de suite. Et alors, il y a ça. Il y a aussi en termes de gameplay. Effectivement, je préfère les jeux solo de toute façon. J'aime bien faire mon ours en fait quand je joue, ou alors du multilocal. Voilà, multilocal, j'aime beaucoup. Mais en ligne, je pense que la dernière fois que je me suis vraiment amusé en ligne, c'était quand j'avais fait avec des copains, avec mon frangin, des missions d'Uncharted 3, je crois, ou 2, ouais, 2 et 3. C'était marrant, mais on le faisait vraiment, on a fait ça 4-5 fois, on s'est bien marré, mais voilà, j'ai jamais joué à un jeu multi vraiment régulièrement, après, quoi, jamais. Alors moi, en ligne, j'avais beaucoup joué à Uncharted 2. C'est un des rares jeux en compétitif où j'avais vraiment accroché, et j'y avais passé vraiment beaucoup beaucoup de temps, et ça m'est pas, enfin sur ce type de jeu, ça m'est pas c'est pas revenu depuis, sauf sur Splatoon du coup, parce que je trouve que Splatoon on y va, on repart, enfin on n'a pas, c'est plutôt cool. Moi je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien. Ah, maintenant que tu parles de Nintendo, alors excuse-moi de te couper, j'oublie Mario Kart, bien sûr, là ça me revient. Oui, bien Mario sûr. Kart sur Wii, la version Wii, Wii U aussi, mais surtout sur Wii, puisque tout le monde l'avait, Mario Kart sur Wii. Non. les parties en ligne, j'ai joué énormément, énormément, énormément. Ouais. Ça, c'était vraiment chouette. Moi, j'avais acheté la DS avec l'infâme clé USB pour avoir connexion Internet pour pouvoir jouer justement à Mario Kart sur DS. D'accord. Après, il y a peut-être aussi une question d'âge et de technique, parce que moi, je reviens quand j'étais étudiant, c'est-à-dire au siècle dernier. Si tu voulais faire du multi, tu étais coincé quand même. Tu étais quand même obligé d'aller soit au cybercafé du coin ou de déplacer tes PC chez un ami. C'était quand même assez compliqué. Et c'est vrai que maintenant, avec la facilité technique, enfin, toutes les connexions Internet, maintenant, tout le monde en a une, donc c'est beaucoup plus facile de faire du multi. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui joue? Puis c'est... Que le multi devient, bon. Que devient plus prépondérant par rapport au jeu solo, enfin, et encore. Non, moi je trouve que c'est, dit, mais, c'est surtout aussi une question de temps. Il fait que quand tu veux avancer une partie de multi, il faut déjà que tu te connectes, que tu trouves un serveur, qu'il y a du monde qui se connecte. Après, tu es balancé dans des parties avec des personnes que tu connais pas. Pour le PvP, tu tombes sur une paire de trolls, pas possible, qui passent le temps à se cuire le nez. Tu te fais chier, toi, tu te trouves mieux comme, comme un con, tu te fais désinguer, tu sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai retesté le métier sur PS3, sur quelques jeux, je t'avoue que quand tu tombes sur des gamins en pyjama, à dimanche soir à 23h, tu te dis merde, ils ont pas école demain, quoi, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, quoi. Donc, c'est pas... moi, ça m'a rapidement saoulé aussi. J'ai des bons souvenirs de multi, mais ça, je pense qu'on en discutera peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est pour ça aussi que moi, j'ai lâché l'affaire, que je suis aussi beaucoup plus sur le solo. Pour en revenir un peu au multi, c'est... j'allais dire, en fait, le jeu sur lequel j'ai fait beaucoup de multi, justement, synchronisé avec un pote, c'était Original Sin 2, pas Divinity, Original Sin 2. Ce qui, en fait, finalement, compte pas, parce qu'en fait, c'est juste un solo à deux, quoi. Ah ouais, mais c'est aussi une façon de vivre son multi. Le multi, t'es pas obligé d'être à 72 000 joueurs. Hein. Moi, par exemple, on en parlait un petit peu plus tôt dans le podcast, le Diablo 3. Moi, je l'ai adoré. Je l'ai fait en multi. En fait, on était deux chez moi, donc moi et ma compagne et un pote de chez lui. On faisait tout à trois, mais c'était génial. Enfin, moi, j'en garde vraiment d'immenses souvenirs sur PS4, quoi. Je me tâte même à prendre là, la nouvelle version qui va sortir prochainement pour refaire le jeu, quoi. Mais après, il faut essayer de jouer avec des personnes que tu connais de ton entourage proche, quoi. Toi, un multi qui est sur lequel t'as pas énormément de monde, toi, moi, sur PS3, Little Big Planet, c'est comme tout, généralement, c'est des parcours que tu fais peut-être à 2 ou à 3, mais je tombais toujours sur des trolls qui s'amusaient à courir devant, à piquer tous tes objets. Toi, t'arrives devant, tu récupères les miettes, quoi. Donc, ça saoule aussi. Ouais. Bah, moi, si je prends mon exemple, moi, j'ai fait du Monster Hunter. Moi, le multi, j'en avais pas fait depuis Counter-Strike. J'ai passé plus de 250 heures sur Monster Hunter, et c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé solo, et, avec quelques personnes, on a réussi à monter un clan, mais en fait, on s'est retrouvé avec des personnes du même âge. Avec, bah, pareil, on se retrouvait que le soir, et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile de faire du multi dans cela, parce que tu te retrouves effectivement avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et finalement la même mentalité aussi. Tu te retrouves avec des petits Kevin, quoi, comme tu disais. Enfin, maintenant, ils appellent ça des Kenzo, mais c'est la même chose. Ah. Ah merde, je savais même pas, alors je suis vraiment plus à la page là. Après, moi aussi, sur les multi-compétitifs, bon, ça m'arrive pas sur Splatoon, bien entendu, jamais de micro, quoi. Parce que sinon, dès que tu mets un micro et que t'as une voix de nana, tu te fais emmerder. Hein. Enfin, je veux dire, que ça soit sur Uncharted, bon, Call of Duty, j'y ai pas joué, donc voilà, mais c'est vrai que ça, c'est quand même un petit peu lourdingue, quoi. Ce qui revient à ce que je disais, effectivement, moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle je préfère jouer avec des potes que de lancer un serveur en solo, parce que de toute façon, de un, tes potes, bon, même si t'es mauvais, ils le savent déjà, et de deux, comme tu dis, bah, en plus, si t'es une nana, bah, si tu joues avec tes potes, ils t'emmerdent pas, c'est bon, quoi. Bah, ou sinon, à nouveau, change de pote, quoi. Ouais, au nouveau, change de pote si ils t'emmerdent parce que t'es une fille et que tu joues, quoi, effectivement. Ou qu'ils t'insultent, parce que t'es mauvais. Bah, si t'insultes parce que t'es mauvais, je peux le comprendre. C'est pour ça qu'il faut jouer support. Mais imagine support, si t'es mauvais et une fille. Bah là, t'es une fake geek girl et t'as rien à faire là. Il y a eu beaucoup de témoignages de filles qui prenaient des avatars masculins pour pas se faire emmerder, justement. Et ça, c'est assez... c'est assez terrible. Mais j'avais partagé la vidéo sur le Discord à l'époque où c'était une expérience. C'était un joueur qui avait changé son pseudo en... Entre parenthèses, il avait mis girl et il s'était balancé comme ça sur un canal. Et il avait enregistré toutes les vidéos, tous les messages qu'il recevait en privé, etc. C'était une horreur. Purée. Et toujours par des gamins de 10-12 ans, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi. C'est assez effrayant, là. Donc, pour en revenir effectivement au sujet principal, parce qu'on a un petit peu débordé. Donc, au final, la question finale, c'est est-ce que le jeu solo est vraiment amené à disparaître? Est-ce que c'est juste nous qui sommes des vieux cons? Parce qu'on se dit, non, mais nous, on aime bien le solo parce qu'on est trop vieux pour jouer un truc. Parce que c'est vrai que, comme on n'arrête pas de rigoler sur ça, de plus en plus, là, on voit tous les jeux, ils disent, bon, bah, faut qu'on ait un mode Battle Royale, un mode multi, parce que, bon, bah, les gens, ils finissent pas le solo, mais ils vont jouer 250 heures sur le dernier multi de Call of, de Battlefield ou Battlefront, quoi. Moi, je pense que c'est lié aussi au type de jeu. Alors, le FPS, c'est encore particulier. Mais... moi, c'est vraiment au-delà du temps, c'est vraiment les jeux, les styles de jeux que j'affectionne particulièrement. se pratique pas en multi. En fait, c'est tout bête, hein, mais moi ça c'est juste ça, quoi. Après, ça dépend aussi ce que tu entends par multi. Tu vois, par exemple, Mario Maker, au final, est-ce que c'est pas un jeu multi? Sauf que c'est un jeu multi asymétrique, quoi. Non, parce que là, tu crées tes... Oui, enfin, en fait, tu partages tes créations, mais techniquement, tu fais tes créations tout seul, quoi, en fait. Mais donc, tu t'amuses à voir comment les autres joueurs exploitent tes créations, en fait. Mais bon, ça peut être un débat un peu trop large. Oui, c'est un petit peu comme ce qui se passait. Moi, j'avais vraiment adoré cette expérience-là. Ce qui se passe dans la journée, en fait, où ils détournent un petit peu le multi, où tu croises un joueur. Tu communiques pas avec lui, il déboule là un peu par hasard dans ta partie, et il y a des expériences très intéressantes, comme l'ont fait Dark Souls ou Nier Automata récemment, où t'as une connexion avec d'autres joueurs, mais de manière complètement détournée, intéressante. Mais là, c'est plus, je pense, pour surprendre le joueur. Après, du Mario Maker, c'est un côté vraiment créatif, participatif, donc effectivement, je mettrais pas dans la même case. Mais c'est juste que moi qui suis très action-aventure, essentiellement, plateforme, etc., c'est vrai, ou survival horror, c'est des jeux effectivement qui sont le plus souvent solo ou alors multi, local. Après, tu peux jouer qu'un copain en ligne, mais c'est pas obligatoire vraiment pour... moi je parle vraiment des jeux multi où c'est le centre du gameplay, c'est le centre de l'expérience. C'est pas des types de jeux en général qui m'attirent, n'étant pas FPS par exemple particulièrement. Ouais, les multi de Call of ou de Battle, c'est pas le genre de jeu auquel j'irais, quoi. Est-ce qu'il y a des jeux multi qui vous auraient plu si la partie solo était beaucoup plus développée? Alors on peut repenser à Star Wars effectivement, Battlefront, qui, moi, voilà, il aurait eu un vrai mode solo avec un vrai level design, je serais passé à la caisse directe. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé de vous dire, par exemple, merde, tain, celui-là, je l'aurais vraiment bien fait, mais non, là, c'est vraiment trop axé multi, donc c'est pas pour moi. Des jeux solo qui marient super bien le multi. Je pense notamment au Ratchet, le All for One, qui était super bien foutu dans ce truc-là. Où tu peux jouer à 4 aussi bien en local qu'en multi, et tu partagerais l'aventure du jeu principal, quoi. Non, moi ça. Mais l'inverse, non, ça t'est jamais arrivé. Après, c'est que des déceptions. Tu dis le Star Wars, ils auraient pu faire des trucs, mais tu dis comment ils auraient pu développer le scénario sans qu'il y ait quelqu'un qui leur tombe dessus. Parce que t'as autant de fans de Star Wars sans que t'as de scénario possible, donc ce qui plaît aux uns n'est plus forcément aux autres, donc ça aurait été la guerre. Une guéguerre constante. Donc, c'est pas simple. Ouais. Non, quelqu'un d'autre, non, là-dessus, il n'y a pas un jeu vraiment axé multi. T'as plutôt des fois des jeux multi où t'as un solo, t'aurais dit ils auraient pas dû le faire. Comme celui de Star Wars Battlefront 2, le solo, il est là, franchement, il sert à rien. Je l'ai pris et c'est pas. C'est joli, mais ça s'arrête là, quoi. Comme tous les Call of Duty. En fait, ouais, le problème du solo de Battlefront, c'est le même problème que solo du Call of Duty ou le solo de Battlefield. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs disent, de toute façon, ils achètent Call of ou Battlefield pour jouer au multi, mais t'as quand même une frange de la population qui dit, non, mais moi, je veux le solo, et qui donc, elle achète le jeu que s'il y a un solo. Donc, c'est vrai que des fois, tu sens bien que les mecs, ils font un jeu multi, et qui font un jeu solo pour faire plaisir aux 4 Pékin qui disent, enfin, 4 Pékin, j'exagère, mais ça doit être peut-être 20 ou 30% des joueurs qui disent, je veux faire que le solo, quoi. Mais après, moi, c'est vrai que je peux comprendre. Il y a effectivement des jeux où je sais que je suis mauvais en multi, que donc effectivement j'ai fait que le solo. Et puis une fois que le solo est fini, j'ai rangé le jeu, j'ai dit c'est bon, c'est pour moi, genre Doom. J'ai adoré le solo, mais jamais de ma vie je me mets en multi. Je sais que je me fais ramasser la gueule, quoi. Ah, oh, mais pareil, hein. C'est même pas envisageable, en fait. Je lance le niveau, je me fais headshot et voilà. Petite question, le No Man's Sky, il était multi ou il était plus solo? Alors au départ, il était solo, avec juste, en fait, la partie multi au lancement, c'était juste, en fait, tu es là dans une galaxie qui avait déjà été visitée, tu pouvais voir les noms qu'avait donné le joueur et pour les animaux. Donc ça, c'est au début, et après, ils ont fait un truc, c'est-à-dire que quand ils ont ajouté l'update pour la construction des bases, si tu vas sur la planète qu'un mec a visité, tu peux visiter sa base. Mais voilà, mais c'est effectivement, c'est du multi-asymétrique, tu peux pas rencontrer un mec. Donc juste pour revenir, pendant que vous parliez, j'ai un peu réfléchi. Je me dis, un jeu, tu vois, genre FIFA ou NBA, c'est des jeux qui sont multi à la base, et pourtant il y a souvent qui proposent une version solo avec un mode carrière, tu suis un joueur, etc., de club en club. Et Là, c'est assez c'est... récent en fait ça. Ouais, C'est assez j'allais dire récent, deux ouais. ou trois ans, ouais, max. Ouais, et Voilà. en fait ça vient d'un jeu de boxe, je me rappelle plus le nom, je le retrouverai, qui du coup avait fait un mode solo qui était vraiment super cool. Et en fait, bah, ils s'en sont inspirés pour les FIFA. Et moi, du coup, ça m'a donné envie de rejouer à FIFA. Je l'ai pas encore fait, mais voilà, ça me plairait bien. Bah, faut dire qu'originalement, tous ces jeux de foot et de sport, c'était du multi local. Après, tu pouvais jouer en solo chez toi, mais c'était vraiment les compétitions classiques, championnat, coupe, etc. À la limite, je peux comprendre l'importance du multi sur les jeux de sport. C'est vrai que c'est hyper tentant en fait. Après, il n'y a plus le côté convivial où tu es obligé de faire venir des potes à la maison pour jouer avec, mais c'est vrai que ça peut être pratique aussi. Voilà. Là, tu peux jouer au casque avec des à toi sans risquer de te faire insulter par un kéké, etc. Donc là, effectivement, ça peut dans ce sens-là, ça peut être très sympathique. Et vos meilleures expériences de multi en fait, parce que moi, à part Mario Kart et un peu Uncharted 2 et 3, c'est vraiment du multi local. Donc là, c'est très console, voilà, c'est très console. Puisque moi, après, dès la période post-Amiga, moi, j'ai basculé vers les consoles. Mais vous, quels sont vos meilleurs souvenirs de multi, vraiment, s'il y en a un tout de suite qui vous revient en tête comme ça, où vous êtes plus éclaté? Comment de conquérir en multi local. Ouais. Perfect Dark sur 64 en multilocal entre potes. Ah oui, exact. Je plus sois complètement. Oui, j'allais dire. Je pensais que tout le monde allait dire GoldenEyes, moi. Oui, non, Ah ouais, oui, les deux. GoldenEye quand même. Ouais, GoldenEye et Respect. Perfect Dark. Enfin, c'est-à-dire, je pense que j'ai même dû plus jouer à GoldenEye qu'à Perfect Dark. Mais sinon, mon jeu préféré, et ça peut paraître bizarre, en multi, c'était les petits jeux multi, les petits jeux de Conquer's Bad Fur Day. T'avais des jeux, mais en fait, c'est con parce qu'au final, c'était un jeu solo. Il y avait plein de petits jeux à côté qui étaient super sympas. J'ai dû y passer des heures, ouais, avec mon frère et un pote. C'est franchement des bonnes expériences. Mais sinon, bah, les Mario Party, toujours, hein. Meilleure façon de perdre des amitiés, hein. Non, mais ce qui était bien à Oui, l'époque Mario du Kart. multilocal, c'est que t'avais aussi l'odeur du multi de quatre mecs qui s'enferment dans une chambre, toute fenêtre fermée, les volets fermés pendant des heures. Et quand il y avait ta mère qui rentrait, qui ouvrait la porte, tu fais putain que ça pue le fauve. Et effectivement, quand tu sortais de la pièce et que tu rentrais une demi-heure après avoir bu trois coca, manger deux, trois tartines de Nutella, effectivement, ça sentait pas forcément que le pain des Landes, on va dire. Non, je suis désolé, moi chez moi ça sentait bon, monsieur, j'aérais, ça sentait très bon, un petit coup d'Airwick, et c'était reparti. Pas de marque, monsieur Rocard. C'est 9 ou que t'en dises Excusez-moi, 4. oui, ça existe encore Airwick, non? Je Oui, pense, je oui. sais plus. D'accord. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai pas du tout connu ça, en fait. J'habitais à la campagne, et du coup, bah, honnêtement, j'avais pas forcément beaucoup de gens déjà à côté, qui avaient pas forcément les consoles non plus, donc moi, j'avais pas les moyens d'avoir 4 manettes, ça servait à rien. Et c'est vrai qu'au final, mes souvenirs locaux, je pourrais pas beaucoup en situer, alors que dès que j'ai eu Internet, j'ai énormément de souvenirs multi, bah, via Internet, justement. J'ai tous mes souvenirs de mon premier MMO que j'ai fait, où j'ai vraiment dialogué avec des gens que je ne connaissais pas, je me suis amusé avec eux, vraiment j'étais. C'était une première pour moi et c'est vraiment un des souvenirs les plus forts que j'ai de mes débuts. Et de la même façon, j'avais mes débuts de Warcraft 3. Je sais pas s'il y en a beaucoup qu'on connu, je suis pas du tout jeu de stratégie en fait. Et sur Warcraft 3, donc il y avait le Battle.net, et il y avait des cartes que les gens faisaient, et c'était des cartes, c'était pas des jeux de stratégie, c'est-à-dire des. C'est des petits jeux, je sais pas comment le dire, mais par exemple, bah, Dota qui est très connu maintenant, ça vient à la base d'un mode de Warcraft 3. Et moi, si tu me parles de multi, en fait, c'est les premières expériences que j'ai, quoi. C'est Warcraft 3 et le premier MMO que j'ai fait. Alors Ok. moi en multi local en fait ma plus grosse expérience bah ça a été le Bomberman sur Super NES. Ça le Bomberman sur Super NES on y a joué mais bah tout le temps en fait. Et il y avait aussi toujours sur Super NES le NBA Jam qui m'avait totalement ébloui. Donc après je suis pas trop passée au multi en ligne en fait. Et puis là, par contre, depuis des années, je joue en ligne à Hearthstone. Ça, c'est le jeu auquel je joue en ligne. Alors, pour redire par rapport à mon problème, c'est vrai que moi, la différence de mon problème, c'est que j'étais énormément jeu, enfin console quand j'étais jeune, j'ai eu toute l'année Nintendo, et en plus, comme moi, j'ai un petit frère, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que la Super NES, ça a toujours été la console des jeux, des jeux à deux en coop avec mon frère ou même en opposition, mais c'est vrai que, enfin, voilà. Moi, c'est vrai que mon multi, de toute façon, ça a toujours été, ouais, le local, comme je dis, sur Super NES à 2 avec mon frère, ou sur 64 à 3 ou 4, et c'est vrai qu'il y a, ouais, bonnes expériences, mais c'est vrai que j'ai très, très tardivement, parce que j'ai dû avoir Internet, enfin, tôt, enfin, assez tard, et mon frère jouait un petit peu à Diablo 2, mais très peu, et après, sur mon PC personnel, j'ai dû mettre au jeu, enfin, au jeu sur Internet, mais genre en 2006 ou en 2007, c'est-à-dire très tardivement, c'est-à-dire qu'avant, je jouais pas du tout en multi, quoi. Moi, je garde vraiment un souvenir, mais énorme, vraiment précieux du tout premier Mario Kart, en fait, l'année de sa sortie, donc sur Super Nintendo, quand on a lancé le mode battle. J'ai des souvenirs très très précis de cette journée-là, où il y avait des copains, moi, il y avait mon frère et des copains, lui aussi. Et on s'attendait pas à se marrer autant, en fait. Vraiment, ça a été un choc ludique. Avec cet écran splitté, le fait de voir son adversaire vous narguer après vous avoir envoyé une carapace rouge, etc. C'était, alors maintenant ça paraît bête comme chou, mais vraiment le mode battle de Mario Kart est énorme et il n'a pas pris une ride. Si on passe le cap visuel, c'est que sur la Super Nintendo Mini, j'y rejoue régulièrement avec mon fils, je lui ai fait découvrir, et lui qui joue, bah, au dernier jeu, voilà, sur PS4, etc., et Switch, il adore le premier Mario Kart, et quand on se fait une partie de mode battle, mais ça peut durer des heures, et il éclate de rire, j'éclate de rire. C'est l'efficacité vraiment, enfin, c'est une efficacité redoutable, et Street Fighter 2 aussi, quand il est arrivé sur Super NES. C'était vraiment quelque chose de fou, quoi. On pouvait passer vraiment tout le mercredi après-midi avec des copains du lycée et on voyait vraiment pas le temps passer, quoi. C'était assez impressionnant. Et ce qui était bien à l'époque, c'est que la personne était juste à côté de toi, tu pouvais prendre le canapé, puis lui balancer dans la tronche, lui donner un coup de maricotte, ce genre de truc, quoi. Oui, bah nous, on savait se tenir, monsieur machin truc, hein. Je sais pas où vous avez été. À la dure, nous. Voilà. Non, mais c'est vrai que il y avait une sorte d'émulation, c'était génial, quoi. Soit tu te foutais de la gueule, ou alors t'étais énervé, ou t'exultais. C'était assez dingue, quoi. Après, sur N64, effectivement, avec les quatre ports manettes de base, bah, je garde de grands souvenirs, bah, de Mario Kart 64, de GoldenEyes, de Mario Party, pas mal de jeux comme ça. C'était assez énorme, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que le jeu en ligne, c'est comme un vrai progrès, c'est que t'es pas obligé d'attendre que tout le monde soit réuni à la maison. Est-ce que vous en faites du multilocal encore d'ailleurs? Franchement, ouais, je vais chez un couple, enfin, chez des couples d'amis des fois, et ouais, on se fait on s'est fait des parties de Mario Kart et Overcooked. Pareil, genre, c'est au même niveau que Mario Party, meilleur jeu pour briser des amitiés, quoi. Ah, mais Overcooked en multilocal, c'est juste génial. Mais C'est quand même le vraiment meilleur moyen génial. de se gueuler avec sa femme. Ça dépend si t'es organisé ou pas. Ah non, non, moi j'ai essayé avec ma femme, on y a joué deux fois, elle m'a dit non, c'est bon, je suis trop mauvais, je veux plus y rejouer. Ah non, moi, elle a fait un peu sa chef. Et du coup, après, on a recadré les choses. Et on s'est mis en mode projet. Et ça a super bien fonctionné. Ça peut fonctionner en tant que thérapie de couple, c'est très bien aussi. J'aimerais, excuse-moi de vous couper, parce que je veux défendre un jeu absolument qui, en général, regardé avec un œil un petit peu dédaigneux par certains qui se disent vraiment core gamer, c'est Wii Sport. Wii Sport, c'est un jeu que je défendrai toute ma vie parce que j'ai des souvenirs avec mon père, qui est pas très à l'aise avec les jeux vidéo, d'après-midi de golf sur Wii Sport. Et c'était juste génial. J'ai vraiment passé parmi mes meilleures sessions de jeu. sur Wii Sport avec mon père et c'était vraiment vraiment vraiment génial. Je trouve que Wii Sport c'est vraiment un des jeux en termes de game design, en termes de feeling, un des jeux les mieux fichus. Puisque vraiment, il y avait quand même, tu pouvais creuser, il y avait quand même une certaine profondeur et c'était un peu toutes les promesses après qui sont pas confirmées derrière du motion gaming, mais qui étaient un peu réunies dans ce jeu-là. Wii Sport, c'était vraiment génial. Bah, c'était toute la période de la Wii qui créait du lien en fait. Et Ouais. c'est ça qui était super fort avec la Wii. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, je sais plus où c'était, dans quel salon il y avait justement des grands online de jeux vidéo, enfin des Coupes du Monde sur Street Fighter, etc. Et il y avait aussi les championnats du monde de bowling de Wii Sports. Et c'était des seniors qui jouaient. Moi, je trouve ça génial. Oui, non, mais c'est hallucinant et j'en ai parlé dans l'une des revues de presse quotidiennes là, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, où même pour des patients qui ont des problèmes cardiaques, la Wii est extrêmement utilisée encore dans certains centres médicaux, etc. Bon là, on digresse, mais Grèce. voilà, n'est-ce pas? N'est-ce pas machin truc? Mais ouais, Wii Sport, c'était et la Wii même en général, en tout cas pour certains de ces jeux, c'était vraiment des jeux qui sont exceptionnels à jouer à plus forte raison avec des personnes qui ne sont pas voilà, qui sont pas très à l'aise avec le jeu vidéo. Et je trouvais vraiment cette démarche hyper hyper intéressante et réussie en tout cas concernant ce jeu-là et quelques autres. Oui, je suis assez d'accord, même si moi, Wii Sport, ça a moins été mon truc, mais je partage ton avis. Je pense que c'est bien aussi que des jeux puissent s'adresser au plus grand nombre et ça permet aussi de faire découvrir ce type de jeu à d'autres types de personnes. Disons que la Wii, c'était la console de la famille, quoi. Ça permettait de réunir tous ceux qui jouaient pas forcément autour d'une partie, sachant que tu n'avais pas de manette, juste un bâton entre les mains, tu pouvais tout faire avec. Bon, ça a été quand même un petit peu la machine à raquettes de la famille, quand même, si on est un petit peu honnête intellectuellement sur ce à quoi elle a servi. Mais c'est vrai que du coup, tu pouvais jouer avec ton oncle qui avait jamais touché une manette, ta grand-mère, etc. Moi, ma grand-mère, pour la petite histoire, elle était dans un EHPAD au moment où il y avait la Wii. Et ils avaient des ateliers Wii U, enfin Wii Sport, pardon. Enfin, c'est une console que j'ai toujours d'ailleurs. Elle est branchée sur ma vieille cathodique. Parce qu'entre les jeux gamers, ce qu'il y en a eu, entre les jeux multi qui étaient vraiment super chouettes, et la console virtuelle où j'ai dépensé pas mal d'argent, n'est-ce pas? Puisque j'ai la manette Super NES aussi, oui. Enfin bon, c'est une parenthèse, c'est une console que j'adorais, mais je trouve que pour le multi, là on sort pas du sujet, je trouve qu'elle a apporté vraiment quelque chose, quoi. Vraiment. D'ailleurs, au niveau du multi local, la Switch, je trouve qu'elle a une place vraiment aujourd'hui qui est vraiment particulière là-dessus. Bah, elle est faite pour ça, hein. Ni plus ni moins. Et c'est assez. Là, on retrouve ce multi qu'on aimait avant sur console, sur la Switch. Donc, c'est vraiment la console multi par excellence. Bah, tu vois, moi, c'était en décembre dernier, à ma boîte, le dernier jour dans lequel on bossait. On était plusieurs à ramener notre Switch. On en a branché une avec le dock sur le vidéoprojecteur. On était à 8 et on se tournait les manettes les uns après les autres et on se faisait des courses 4 contre 4, quoi. Mais je pense qu'effectivement, là, c'est pareil. Enfin, la Wii U, c'était enfin le mode 8 sur Smash Wii U, c'est quand même intéressant, mais on me raconte pas qu'est-ce que ça va être sur Switch. Alors que là, parce que Wii U, fallait quand même avoir la télé et ramener ta console, parce que tu pouvais pas jouer à 8 sur 3DS. Mais là, sur Switch, effectivement, comme tu dis, 7 qui ramènent leur Switch, ou même des manettes, et l'autre sur le vidéo pro, je pense qu'il y a des bonnes parties qui pourraient se faire, quoi. Carrément, bah surtout là en plus en fin d'année, ça va être un sacré carton. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs peut-être de jeux multi à évoquer avant qu'on avance dans le débat Worms ou c'est 3D bon? sur GameCube. Oula, 3D? Ouais. Non, Non, non, non, mais non. j'ai t'expliquer. Non, Non, non, non, non, Worms non, non, Armageddon. non, non, j'ai Worms t'expliquer le truc. Armageddon. Moi j'avais Worms 3D à l'époque, en Oui, mais t'as le 2007-2008, mauvais goût. Ça en fait pas un bon jeu. avec des Voilà, collègues, exactement. en fait, sortait d'un audit hyper compliqué, etc., pour un renouvellement dans l'ISO 9001 ou je sais plus quoi. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait renommé tous les worms par les noms de l'auditeur qui nous avait bien cassé les burnes pendant une semaine. Et pareil, avec deux, trois collègues qu'on n'aimait pas, on avait fait une team, on était moi et deux collègues d'un côté, puis de l'autre côté, les ennemis, quoi. Puis on s'amusait à leur balancer des trucs dans la gueule, quoi. « Retourne chez ta mère, tu balançais la roquette. » Le worm se coulait, on était comme des cons. « Ouais, bien fait !» Puis hop, on s'enfile une bière, puis on déconnait comme ça. Mais par contre, ouais, j'ai des super bons souvenirs de Worms Armageddon en hot seat, donc justement avec mon frère, là, chacun qui jouait et tout. Ça, Worms Armageddon, c'était quand même le jeu, pareil, pour déchirer des amitiés, mais qu'est-ce que j'ai pu y passer du temps avec mon frère, quoi. Armageddon, c'est celui qui était sur Dreamcast aussi, non? Je sais pas, moi, j'ai juste au PC. Ok, parce que moi, Worms sur Dreamcast, j'ai des souvenirs de taré aussi. Qu'est-ce que j'ai pu me marrer avec ce jeu? C'était assez énorme, ouais. Pas d'autres souvenirs? Le mode aventure d'Uncharted 3 en multi était pas trop mal non plus. Où c'était une aventure que tu faisais à deux, et c'est une aventure inédite qui était en parallèle de l'aventure principale. Oui, je l'ai fait, ça. C'était très très sympa. Franchement, ouais. c'était sympa. Et je crois que c'est tout. Ouais, effectivement. De toute façon, mais sûrement, voilà, dont on se rappelle pas fort, voilà, fatalement, je sais qu'il y en a eu plein d'autres. Ne serait-ce que sur console Nintendo, déjà, il y en avait vraiment une tripotée. Mais effectivement, ça me revient pas forcément là. Il y a une question, d'ailleurs, qui est intéressante, qui a été proposée par toi, machin truc, il me semble. Ce serait de définir un peu ce qui serait votre multi idéal. C'est-à-dire que là, quel serait pour vous le jeu multi qui vous irait parfaitement, et là, vous passerez directement à la caisse, vous diriez, non mais ça, voilà, ça je veux le faire, c'est clair et net. Est-ce que vous avez une définition de ce qui, pour vous, serait un bon multi? Là, c'est pas évident, hein, c'est un machin truc nous a piégé là-dessus. Je suis un taquin. Non, moi maintenant le multi, de toute façon, c'est mort et enterré, j'ai plus forcément le temps d'y jouer, donc maintenant c'est un jeu local, toi, un petit peu comme le Lego, où tu peux jouer en solo, en multi, puis ce sera avec mes filles. Donc voilà. Donc plus multi-coopératif. Ouais, de toute façon, généralement j'étais en compétitif, j'étais une burne, et le peu que je jouais en multi, online, c'était 95% du coop, quoi. Je suis un bisounours, moi j'aime pas tuer des gens. Et c'est tout à ton honneur. Quelqu'un d'autre? Moi c'est du multi-local de toute façon, donc voilà, maintenant qu'on se marre, qu'on soit l'un contre l'autre, ou là en coop, bah pareil, moi ça fait X, enfin depuis qu'il est sorti, Broforce avec mon fiston, bah, vraiment, voilà, je pense qu'on s'en lassera jamais. Moi ce serait plus du multi, voilà, vraiment du multi-local, pas en ligne pour le coup. Toi, Lina Nounette, non? Est-ce qu'il y a des modes multi, des genres de jeux multi qui te font toujours de l'œil, ou... Alors, moi, ou effectivement, globalement, j'aime pas trop jouer avec les gens. Enfin, j'aime pas trop les gens, en fait. Mais du coup... du coup, en fait, parce que je réfléchis en même temps que je vous parle, moi, c'est vrai que les bonnes expériences de multi, c'est des multi plutôt coopératifs avec des potes, ou plutôt coopératifs, même si ça n'empêche pas les petits coups tordus, les petits coups de pute, etc. Enfin, effectivement, comme toi, Bruno, en bonnes expériences, Broforce, Overcooked, dont on a parlé tout à l'heure, les jeux en coop comme les Lego, etc. C'est vrai que ça, c'est plutôt mon truc. Après, est-ce que j'ai un multi idéal? Je pense pas qu'un multi puisse me faire acheter un jeu. Enfin, si, Overcooked, le principe était multi, ça m'a bien plu, c'est marrant, c'est inoffensif. C'est pas, en fait, pas forcément les multi de guerre, quoi. En fait, c'est vrai que le seul multi vraiment qui a réussi à m'accrocher en compétitif, c'est Splatoon. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Et je trouve aussi que quel que soit ton niveau, tu peux t'insérer dans le jeu sans te sentir trop largué. C'est-à-dire que t'as aussi des joueurs, sur certains jeux, les multis sont pratiqués par des gens qui ne font que ça. Moi, j'aime bien papillonner entre les types de jeux. Du coup, je suis jamais à niveau, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, j'ai pas forcément le skill de base. Donc, du coup, c'est assez difficile dans les multis compétitifs de prendre du plaisir quand tu débarques, en fait. Donc, au final, plutôt des multis coopératifs, à l'exception de Splatoon, où quand même tu joues en équipe. Aussi un multi, sinon tu puisses choisir le serveur avec les gens sur lesquels, toi, trier par tranche d'âge, toi, pour déjà faire un peu de tri aussi, parce qu'on a aussi, quand t'arrives la trentaine, t'as plus les mêmes réflexes que quand t'en as 15, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, non, mais c'est clair, moi, quand j'ai vu des parties, enfin, d'e-sport sur Splatoon 2, mais quand j'ai vu ça, oui, c'est quand ES1, la chaîne de Bertrand Amar était gratos ce premier mois, je regardais mais je comprenais pas ce qui se passait à l'écran et c'était assez impressionnant, quoi. Les mecs, ils jouaient vraiment comme des dieux et je regardais ça, j'ai vu que des éclaboussures de peinture partout et j'ai pas trop capté. Ceci dit, Splatoon 2 commence de plus en plus à me faire de l'œil. J'avais pas vraiment aimé le premier. Enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans du tout. Mais j'ai beaucoup de connaissances qui n'avaient pas aimé le premier, qui sont vraiment rentrées dessus sur le 2. Alors, je sais pas s'il y a des modes de jouabilité beaucoup plus étendus, où on peut personnaliser un peu plus son gameplay, j'en sais rien. Parce que je sais qu'au gamepad, avec le gyroscope, sur Wii U, j'y arrivais pas du tout. Bah, disons que les Joy-Con, c'est un petit peu moins lourd que le gamepad. Et, moi, déjà, je trouve que ça fonctionne. Moi, je trouve que ça fonctionne bien quand même, le gyroscope. Enfin, ça me gênait pas trop sur le 1 et sur le 2. Moi, je trouve que ça fonctionne bien, en fait. On prend vite l'habitude. Ouais, je dirais même, on prend tellement trop vite l'habitude que l'autre jour, ouais, j'ai rejoué un peu à Splatoon 2 avec le mode solo. Et après, j'ai joué à un jeu normal. Enfin, j'ai joué à un peu de Lost of Us derrière. Et t'as voulu viser avec voilà, le... j'ai voulu viser avec ma manette de PS3 et je suis mort. Ça fonctionne pas bien. Hein. Très mal. Mais c'est une belle réussite, Splatoon 2 pour Nintendo quand même. Hein. Une nouvelle IP, accès multi. Moi, quand je l'ai vu débarquer, j'y croyais pas deux secondes. Hein. Vraiment, hein, je me suis dit, ça va se bananer. Et franchement, chapeau, quoi. C'est assez impressionnant le succès de Splatoon. Et il n'y a pas de partie solo dessus. Il y a même un scénar qui est arrivé là. Ouais, non, récemment, un DLC qui te rajoute 80 missions en solo. J'aimerais qu'on parle des Battle Royale. Parce que vraiment, avant de revenir sur le solo pur et dur, pour finir sur le multi, qu'on parle des Battle Royale, parce que c'est vraiment le genre star depuis quelques temps maintenant. Est-ce que vous vous êtes déjà essayé en Battle Royale, par exemple Fortnite, PUBG ou d'autres un peu moins connus? Pas du tout. Du tout. Oui. Moi, pas du tout. Moi, c'est faute de temps, en fait. Je pense que je le testerai, ben, du coup, sur Switch, maintenant qu'il est sorti. Et comme je n'ai pas de compte lié à ma PS4, je peux le faire. Je pense que je vais tester prochainement. Enfin, même si tu as un compte sur PS4, tu peux le faire, mais tu repars de zéro, quoi. Voilà, c'est un petit peu Bah là, quoi qu'il arrive, je vais partir de zéro, mais bon. Mopral, je crois que tu disais que toi, t'avais déjà... Bah oui, ouais. Bah du coup... C'est toi, c'est PUBG, je crois, non? Oui, c'est exactement ça, ouais. Voilà, enfin, c'est ça. Je me suis un peu testé à Fortnite, mais pour le coup, j'aime beaucoup moins. Donc, c'est juste par choix personnel, après. Mais ouais, moi, je suis on va dire un consommateur plus qu'un pigeon, hein, pour bien le dire. Tout ce qui est jeu comme ça, enfin, ça me plaît énormément. Et c'est vrai que PUBG, je suis vraiment tombé dedans. C'est pas forcément un jeu que je vais jouer pendant plusieurs heures, mais j'aime bien le soir, je me lance une partie ou deux, et puis voilà, c'est fait, puis je passe à autre chose, quoi. Ça, c'est un petit jeu que j'aime bien y revenir en fait régulièrement. Et pour le coup, bah, vu que je connais quelques personnes qui y jouent, bah, c'est l'occasion pour moi de jouer avec eux, justement. Voilà, on se fait quelques parties avec le micro. Rien que un peu plus tôt là dans la journée, je m'en suis fait à peu près une heure, et c'est vraiment très très plaisant, je trouve. Et de toute façon, c'est pas parce que maintenant c'est devenu un genre roi dont tout le monde parle. Ah oui, pas du tout. Voilà, qu'il faut le dénigrer. Je trouve que le concept du Battle Royale de base, c'est super chouette en fait. Le concept est imparable de et base. Pour ceux qui ont jamais joué, en fait, c'est le gros point fort du jeu, en fait, c'est vraiment le stress que ça peut porter et le plaisir en même temps. C'est-à-dire, t'es vraiment tu sais pas qui tu vas rencontrer, quoi. Tu peux mourir à tout moment. Tu peux traverser une plaine et te dire, je suis complètement à découvert. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en train de me viser. Dans deux secondes, je vais être mort. Et puis, en fait, non, il y a rien. Et puis, tiens, je suis vraiment complètement désarmé. J'ai aucune arme. Je vais mourir. Et puis, en fait, bah, ça se passe jusqu'à la fin du jeu. Et puis, on fait un top 10 sans s'en rendre compte. Enfin, j'ai vraiment eu énormément de très très bons souvenirs sur ce jeu. Alors, évidemment, on peut dire une bonne expérience sur 100 parties, hein, mais. Mine de rien, il y a eu des moments que je me suis vraiment éclaté sur ce jeu, et je comprends tout à fait qu'on puisse s'y accrocher. Et je pense même, par curiosité, faut vraiment essayer, quoi. Faut vraiment essayer de découvrir pourquoi ça peut fonctionner. C'est vraiment très intéressant. Bah moi, c'est la démarche que j'ai eue par rapport à Fortnite, vu que c'est gratos. Donc là, en l'occurrence, sur PS4, c'est avant qu'il arrive sur Switch. Et voyant le phénomène, parce qu'on rappelle que ça a sauvé Fortnite, hein, le mode Battle Royale, parce que Fortnite avait vraiment été accueilli de manière très tiède. Et c'est vraiment le mode Battle Royale qui l'a fait exploser, au point de dépasser PUBG maintenant en nombre de joueurs. Et donc, je me suis dit, faut que voilà. Je vois pourquoi, quoi, pourquoi ça cartonne autant. Et effectivement, alors j'en suis pas devenu complètement dingue, hein, j'ai peut-être cumulé, j'ai dû y jouer ouais, 3-4 heures, pas plus, depuis que c'est arrivé sur. Enfin, que ce mode Battle Royale est arrivé. Mais les parties que j'ai faites, j'en garde un super bon souvenir. C'est vraiment plaisant. C'est super plaisant d'être catapulté sur une île, de se dire, bon, bah. Surtout que moi, j'avais adoré le film Battle Royale en plus. Donc, tu retrouves un peu cette ambiance, même si Fortnite, c'est hyper cartoon, etc. Mais ouais, le concept est imparable, ce nuage toxique qui se rétrécit de minute en minute, toi qui dois essayer de survivre, etc. C'est imparable, c'est très jouable, c'est très joli, ça se manie simplement. Donc, je peux comprendre que les gamins en sont complètement dingues, quoi. Je Non, mais peux c'est tout un à mode fait le de jeu qui a comprendre. toujours existé, hein, le mode Battle Royale, hein, sur d'autres jeux. C'est joué Oh, pas aussi, pas comme ça, hein. pas aussi Après, il y a pensé comme ça, quand peut-être, même. parce que moi je sais que. C'est né avec DayZ, non, un petit peu, où il y a des petits modes qu'on commençait à se mettre en place, si je dis pas de C'est peut-être bêtises. parce que moi je crois que c'était sur Unreal Tournament en 2001 ou 2002 que c'était le mode survivant où tu commençais, t'étais une cinquantaine, à la fin t'étais tout seul, quoi. Ce principe d'être catapulté à plusieurs sur une map avec une Je zone sais plus qui si se ça rétrécit comme rétrécissait, mais ça, ou voilà, le but c'était d'être le dernier. si tu pars du principe du dernier survivant, oui, on a eu plein, ouais, c'est sûr. Là, je pense que c'est un ensemble d'éléments qui font la grammaire en fait de ce qu'on appelle le Battle Royale, quoi. Mais bon, ceci dit, ça marche très bien, quoi. Effectivement, moi j'ai pas trop le temps d'y jouer parce que c'est pas le genre qui me plaît le plus, bien sûr. Mais je peux comprendre que ouais qu'il y a pas mal de joueurs, alors plutôt les jeunes visiblement sur Fortnite, d'après ce que j'ai pu comprendre, et une frange un peu plus âgée sur PUBG. Mais ouais, c'est imparable comme système, quoi. C'est vraiment très rigolo, C'est quoi. plaisant, ouais. Ça donne envie en fait d'y retourner. Les parties s'enchaînent tellement bien que bon, t'as perdu, bah c'est pas grave, hop, je relance une autre, et puis je recommence, et puis je refais mon truc depuis le début, et sans t'en rendre compte, en fait, tu fais plein de parties parce que c'est plaisant à faire, quoi, c'est pas frustrant. Et du coup, Mopral, t'as testé aussi Fortnite ou t'as fait que PUBG? Non, bah par curiosité, vu qu'il était gratuit, j'ai effectivement testé Fortnite. Après, bon, je vais peut-être aussi dire que c'est parce que je suis pas habitué au jeu, mais ça me plaît moins. J'aime moins ce système de cartoon. En fait, enfin, on compare souvent les deux, alors que honnêtement, dans le fond, ça a quasiment rien à voir, quoi. C'est y en a un où c'est vraiment faut prendre son temps, faut vraiment réfléchir à ce que tu vas faire avec tes armes, alors que l'autre, bon, pas dire que tu peux y aller n'importe comment, mais toi, il y a de la construction à la volée. Il y a, je sais pas, enfin les armes que tu peux un peu crafter de ce que j'ai compris vite fait, enfin les deux ont vraiment rien à voir. Et moi je suis plus C'est côté ouais, PUBG. peut-être aussi. Enfin, moi, je trouve que du coup, Fortnite est plus séduisant. Enfin, tu vois, quitte. Bon, déjà, Fortnite est gratuit, PUBG est payant. Donc, forcément, c'est quand même. C'est quand même un argument, quoi. J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que Fortnite est moins buggé. Ouais, ça doit être ça, oui, je Enfin, pense. c'est l'impression que j'ai, mais C'est pas je impossible, hein. peux me planter. Et puis bah du coup, enfin tu vois, j'aime autant que les jeunes, enfin j'entends les ados, pré-ados, soient sur Fortnite que PUBG. Tu vois, il y a un côté un peu cartoon que je trouve assez chouette en fait, Ouais, non, et c'est je me dis que ça peut des. être assez sympa. Même de manière générale, c'est vrai que Fortnite est bien plus avenant que PUBG, hein. Il n'y a pas de souci, autant au niveau du graphisme que des mécaniques, hein. Parce que PUBG, moi, pourtant j'y joue depuis quelques mois maintenant, il y a toujours des trucs que j'ai pas compris. C'est-à-dire, t'as une arme, tu peux lui équiper plein de trucs, et ces trucs-là, alors si tu équipes, toi, il y a la demi-poignée, alors le recul vertical est un peu différent, mais le recul horizontal il change pas. Par contre, si tu mets une poignée coudée, ça fait tel truc, il y a une telle combinaison de profusion que ça devient vite complexe, là où vraiment Fortnite c'est super accessible, t'as une arme, bon bah tu tires, voilà, c'est aussi bête que ça. Et je comprends vraiment le succès à ce niveau-là, ils ont vraiment bien négocié le virage du Battle Royale, Et c'est aussi ça qui fait sa force, hein. C'est vraiment son accessibilité à tous les niveaux, autant au niveau du prix que du design, que des mécaniques. Bah, il est festif en fait, il me paraît festif. Cela, il y a quelques semaines, on avait reçu du monde à la maison et les gamins ont joué avec mon fils, bah, ils étaient tous sur Fortnite, quoi. J'ai vu des parties, déjà quand ils jouaient eux, et ils laissaient un peu le jeu tourner quand ils étaient éliminés. Puis on voyait si on laisse tourner Fortnite, en fait, j'imagine que PUBG c'est pareil. Tu vois un petit peu celui qui t'a tué, la suite de son parcours, et puis et il s'avère que voilà, l'un de ceux qui avait tué, alors je sais plus voilà, le personnage de quel enfant dans la soirée, mais on le voyait continuer et ça s'est terminé en duel. Donc les deux derniers de la map, ils se faisaient des constructions et en même temps ils se tiraient dessus, ils se construisaient des tours. Enfin c'était assez impressionnant qu'en fait ils montaient en altitude, ils n'arrêtaient pas de se construire des espèces de tours, de miradors en bois, et en même temps, ils se les détruisaient en même temps. Enfin, c'était assez spectaculaire. Ouais. Je pense que les personnes jouaient depuis pas mal de temps et jouaient vachement bien. Et il y a ce côté festif de... Alors, il y a les armes, elles font quand même des bruits d'armes, etc. Bon, c'est pas de la peinture comme Splatoon, bien sûr. Je pense que certains parents trouveront sera toujours trop violent. Mais il y a ce côté second degré, en fait, dans Fortnite, qui fait que ça passe, quoi. En fait, parce que moi, j'aime pas trop faire jouer mon fils, en général, à des jeux où il y a des armes à feu, même quasiment jamais, à part Broforce. mais là, il y a ce côté un petit peu festif dans Fortnite qui fait que, bon, tu te dis... Quand ton gamin a 8-10 ans, ça, voilà, ça, c'est pas choquant, quoi. Oui, il n'y a pas d'effusion de sang ni quoi que ce soit, je crois, en plus. Hein. Non, pas du c'est tout. C'est ça. Hein, ouais. Là où PUBG, bon, c'est pas non plus des têtes qui éclatent, mais il y a un peu de sang qui part, quoi. Là, c'est sûr, voilà. C'est plus, PUBG semble plus armé, plus Call of Duty dans ouais. l'esprit que Fortnite, qui sera vraiment plus beaucoup plus cartoon. C'est, mais, c'est très militaire, hein. Très militaire PUBG, effectivement. Moi, c'est vrai que tu vois, au-delà de la curiosité, du prix, etc., bah, l'univers de PUBG me fait pas envie, en fait, de base. Tu vois, Fortnite va plus me tenter. Oui, je comprends tout à fait. Hein. Et comme j'ai pas entendu très bien qui a dit ça, mais oui, c'est comme Arma pour le coup. À la base, PUBG ou enfin DayZ, le mode vient, c'est un mode d'Arma à la base, le mode du Battle Royale. Oui, exact. Ça vient d'Arma, donc effectivement, à la base, quand on connaît un peu les jeux Arma, c'est des jeux très simulationnistes, c'est-à-dire que la balle, elle va pas aller d'un point A à un point B tout droit. C'est selon la balle ce que tu as tiré, elle va un peu faire une trajectoire courbe pour cette arme-là, mais pas celle-ci. Enfin. Il y a tout un système et PUBG reprend un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des armes où la trajectoire est un peu courbe et ce genre de choses. Mais Fortnite, c'est plus arcade en fait, on pourrait résumer ça comme ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est, puis j'ai c'est l'impression beaucoup plus arcade, aussi que Fortnite a réussi quand même un tour de force, qu'ils ont réussi aussi à être présents et de façon correcte sur mobile, hein. Sur tablette notamment. Et j'ai lu qu'il y avait quand même un nombre non négligeable de joueurs qui jouaient par exemple sur iPad et que ça fonctionnait plutôt bien, donc comme quoi c'est plutôt bien fichu. Bah, les gamins dont je parlais là, donc qui étaient venus à la maison, eux habituellement, leur père leur laisse pas accès à la PS4 à la maison, effectivement, eux ils jouent sur tablette habituellement. Donc là, ils étaient contents parce qu'ils ont pu jouer ça sur l'écran de notre salon. Donc pour eux, c'était voilà, c'était beaucoup plus grand. Ils trouvaient ça plus facile, etc., avec la manette. Mais ils se débrouillaient très bien sur iPad. Je sais même pas si c'était des tablettes Samsung ou autre, mais ils y jouent là-dessus en fait tous les jours. Enfin, en rentrant de l'école, ils sont à fond dessus et c'est marrant. Tu les entends parler. Tiens, bah l'autre jour, j'ai fait top 4, j'ai fait top 2, j'ai fait top 5, machin. Et c'est ils sont à fond dessus et je trouve qu'ils ont fait un tour de force. D'autant plus que ils ont réussi à surpasser en termes de fréquentation PUBG. Là, ce qui n'était pas gagné à la base. Et ils ont ce côté, effectivement, ouais, visuellement, c'est moins violent quand même. Donc, ça effraie moins les parents aussi. Et puis, il y a la gratuité donc, du mode. Donc, c'est ça, ça a été, je pense, une succession de bonnes idées, très opportunistes à la base, mais qui font que ça fonctionne parce que le jeu est super bien fichu. Et ouais. Non, moi, vraiment, je critiquerai jamais ce jeu-là parce que je comprends pourquoi il plaît autant, quoi. Qu'on aime ou pas, c'est comme un jeu qui est bien fichu. Après, le souci, c'est qu'on risque de retrouver des modes Battle Royale un peu partout. Bah, oui et non, hein, regarde, on en attendait plein à l'E3 cette année, et finalement... Bah, oui, on s'attendait à pire. Hein. Coup, hein, là. Donc voilà, après, peut-être que aussi les éditeurs se sont dit, bah, déjà la place elle est bien occupée, donc tu peux pas faire un Battle Royale comme ça, genre, c'est pas parce que c'est un Battle Royale que ça va fonctionner. Je sais plus quel studio s'est planté en beauté il y a pas longtemps. Tiens, la place elle est quand même très très... occupé parce que Fortnite est gratuit, donc pour pouvoir repasser devant ou avoir un succès et faire venir les joueurs vers autre chose, je sais pas trop par quel bout il faut le prendre. C'est pas le studio de Cliff Bleszinski, le papa de Gears of War, qui, comme son jeu Lawbreaker, s'était complètement planté. Voilà, c'est ça, ouais. Il avait lancé à la va-vite, avec ses équipes, un Battle Royale qui s'est royalement planté lui aussi et qui a précipité la fermeture du studio, du coup. Je pense que tu devais faire oui, c'est ça. Référence à ça, ouais. Ok. Ouais. Personne veut rajouter quelque chose sur les Battle Royale Bah, mis à part que je suis en train de le télécharger sur mon iPad Fortnite, non, rien. Ça va. Comme par hasard. T'es pas sur Switch du coup ? T'as peut-être pas la Switch à côté de toi là. Mais, au rez-de-chaussée. D'accord, ouais, effectivement. C'est trop loin. Trop loin. On est des joueurs de jeux vidéo donc on bouge pas beaucoup, hein, fatalement. On est addict et on aime pas trop bouger. Ça, c'est... Jusqu'au bout. Ouais, nous sommes sédentaires à 1000%. Alors le jeu solo. Mes amis, le jeu solo dont on prédit la mort tout le temps, on va pas revenir sur les jeux Bethesda, leurs excellents jeux solo qui sont pas très bien vendus, etc. Mais récemment, on a quand même eu des belles réussites en jeu solo. Alors dernièrement, on peut penser à God of War, mais il y a pas que celui-là, il y en a eu plein. Est-ce que vous croyez pas que les observateurs sont un petit peu alarmistes là-dessus sur soi-disant la désuétude du jeu solo ? En fait, je pense que c'est les observateurs en question sont plutôt les actionnaires et en fait la difficulté actuelle du jeu vidéo c'est d'arriver à rentabiliser un jeu sur le long terme. Enfin, pour le solo en général, enfin je peux me tromper et je pense que tu seras probablement même mieux que moi Bruno, t'as assez peu de long sellers à part probablement les jeux Nintendo. Oui. Et donc du coup, le jeu va vite tomber en désuétude et si t'es pas revenu dans tes frais, si t'as pas gagné vite de l'argent, voilà, c'est perdu. Et du coup, c'est très difficile de renouveler l'intérêt d'un jeu solo. Par définition, un jeu solo, en général, il a un début, une fin. Il y a très peu de choses qui vont venir alimenter la suite, à part maintenant les DLC, en fait. Ouais. Donc du coup, pardon. Du coup, forcément, le modèle économique des jeux multi semble plus attrayant. Après, ça veut pas dire, et God of War en a été un bel exemple, que les jeux solo sont finis, même si parfois on peut vraiment se poser des questions. Quand on voit l'abandon de certains jeux solo, je pense au Star Wars de EA il y a quelque temps. Enfin, à un moment, on a eu pas mal de projets solo qui ont été annulés à la suite, et de jeux solo qui se sont plantés sur la même période en termes de vente. Donc du coup, forcément, on a pu se poser des questions. Là, ça va mieux en ce moment. En fait, c'est le Graal en ce moment, c'est le jeu le Game as a Service, comme ils l'appellent, le jeu comme un service. Effectivement, tout le monde essaie de tendre vers ça. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop, abreuvé par ce genre de système ? Est-ce qu'on ne va pas vers un point de rupture au bout d'un moment ? Est-ce que pour vous, c'est pas un petit peu trop ? Ça va être la désillusion. De toute façon, c'est pareil. Là, c'est la mode. En ce moment, c'était un moment. L'année dernière, c'était Pokémon Go. Cette année, c'est les jeux Battle Royale. Alors, il y a peut-être un effet loop. C'est pour ça qu'on se pose la question sur l'avenir du jeu solo. Mais c'est pareil. Il y aura beaucoup de candidats. Il y aura peu d'élus. Et c'est sûrement d'ailleurs ce qui va arriver. À part Fortnite et PUBG, je vois pas d'autres. D'autres gros éditeurs se lançaient dans ce mode-là. C'est plus. Ouais, tu vois pas de challenger arriver et puis vraiment tirer son épingle du jeu là dans les mois qui viennent. Alors peut-être pas forcément en Battle Royale, mais Est-ce que les gros noms que sont Call of, etc., Battle, est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien qu'avant au niveau du multi, au niveau des achats, au niveau du suivi? On sait qu'il y a des jeux, par exemple, comme on sait que chez Ubisoft, ils lâchent pas les jeux comme ça et que certains s'en sont relevés après des débuts difficiles comme For Honor, par exemple. Est-ce que vous pensez que les gros, ça fonctionne toujours, qu'il y a vraiment un attrait? J'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins qu'avant. Alors, moi, comme je suis pas du tout dans ce style de jeu-là, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais vous pensez que ça a toujours un succès vraiment phénoménal auprès des fans? Il me semble que Rainbow Six Siege a un gros succès en multi. Ils font pas mal de saisons, non? Ah, après, je peux me tromper, mais il me semble qu'Ubisoft suit pas mal le jeu là-dessus. Je sais pas, c'est qui c'est qui fait des multi, c'est... C'est moi, mais non, j'ai un peu joué, mais je l'ai pas acheté, donc là, tu je pourrais pas aider. Tu es le monsieur multi de la soirée. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui, apparemment, c'est moi qui passe ma vie dessus. Mais après, c'est vrai que Rainbow Six Siege, par rapport aux autres jeux du genre, c'est que la proposition était quand même assez nouvelle. Là où un Call of, où c'est vraiment deux armées qui se rencontrent comme ça et dès qu'on voit quelqu'un en tir, là où un Rainbow Six Siege, justement, faut peut-être plus prendre le temps de planifier, etc. Et c'est peut-être pour ça que lui, il a bien marché. C'est à cause de la proposition qui était pas commune, en fait. Ok, d'accord. Donc pour vous, le jeu solo, contrairement à ce qu'on peut lire ou entendre, n'est pas en danger, mais c'est plus l'appât du gain, comme disait Lina Nounette, qui guide un petit peu ceci, qui fausse peut-être un petit peu le jugement global autour de cette question. Des jeux uniquement utiles, je trouve que c'est la solution de facilité. Ah oh, bah c'est pas compliqué, ah ouais, tu fais 4 maps, tu mets toujours les mêmes, à la rigueur tu les fais varier, un coup tu mets de la pluie, un coup tu mets de la neige, un peu comme David Cage, quoi. Après, tu changes juste les flingues et basta, quoi. T'en as plein jeu. Justement, je dirais, c'est bien, justement, le problème, c'est que c'est pas si facile que ça de faire un jeu multi. Sinon, justement, là, le jeu de Cliff Bleszinski, ce serait pas autant planté. Enfin, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a tellement de jeux, et en plus des jeux de type Battle Royale qu'on trouve, que c'est de plus en plus difficile, justement, de faire un jeu multi. Et que c'est peut-être pour ça que les mecs, ils mettent tellement de temps à faire leur jeu multi, qu'après, bon, il y en a qui se disent, bon, on est obligé de faire un solo parce que il y a des mecs qui voudront pas faire le solo. D'ailleurs, on a vu ce qui s'était passé avec le premier Battlefront où justement les mecs qui se sont sentis obligés de faire un solo, et on a bien vu ce que ça a donné sur le 2, le solo, il est là pour rien, juste pour faire plaisir au mec qui dit, je veux un solo, il y a un solo, vous êtes content? Non, vous êtes jamais content. Mais voilà, quoi. Après, je rajouterais aussi que, j'oublie ce que je veux dire. Ça arrive, c'est la fin de semaine, c'est compliqué. Donc tu ouais, petit trou de mémoire. Si, c'est ça. Si, et puis en plus, comme tu disais, pour ajouter à ce que tu dis, c'est qu'en fait, en plus, la plupart de ces jeux cherchent à garder captif le joueur, ce qui fait qu'il est difficile de quitter un multijoueur pour un autre jeu multijoueur. Généralement, tu joues avec tes potes, donc il faut ensuite que tes potes viennent aussi sur ce même jeu. Et en plus, généralement, c'est pour repartir de zéro, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que le jeu solo a encore de belles années devant. Il sera toujours là de toute façon. Si on regarde l'E3, la plupart des grosses annonces, des jeux qui étaient déjà annoncés auparavant, mais en tout cas, les moments forts du dernier E3, si on prend juste cet événement-là, c'était quand même beaucoup de jeux solo. Chez Sony, c'était vraiment la plupart du temps du solo, même si Death Stranding, le jeu de Kojima, apparemment... demander aux joueurs de s'entraider, on ne sait pas encore trop de quelle manière, mais il me semble que quand même la plupart des gros moments forts, c'était des jeux solo. En tout cas, au niveau médiatique, on sait qu'il y a eu, je crois, une grosse compète Fortnite sur place, apparemment, qui a fait pas mal de bruit, qui a rameuté pas mal de monde. Peut-être que ceux qui ne sont pas trop intéressés par le jeu l'ont moins vu. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire juste que les deux vont continuer à coexister comme avant et que voilà, qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus finalement? Non, je pense qu'ils ont pris une partie des joueurs et puis c'est tout, quoi. C'est un nouveau jeu, enfin un nouveau type. Ouais. Que le multi est traversé par des modes, que oui. C'était le MMO il y a quelques temps, que ce qu'on appelle MMORPG s'est réinventé ces dernières années aussi, elle ressemble pas du tout au Warcraft de papa, j'allais dire, même si World of Warcraft est toujours joué, hein, bien sûr, mais enfin, on n'est pas du tout dans les chiffres qu'on pouvait avoir auparavant. Là, c'est des Battle Royale qui raflent tout, et puis dans quelques années, ce sera autre chose, et puis il y aura toujours des succès solo, il y aura toujours des plantages solo. Finalement, est-ce que tout ceci, c'est pas c'est pas de l'alarmisme pour rien finalement, puisque le jeu solo est toujours là, et même là, et la plupart des gros titres, en tout cas une grande partie des gros titres qu'on attend, que ce soit en fin d'année ou en 2019, il y a énormément de jeux solo, quoi. Il y en a quasiment que ça, je vais pas se souvenir de... Je sais même pas s'il y a des gros jeux multi annoncés pour 2019. Forza il est pour 2018 en plus, je crois. Pour Noël, je crois. Il me semble. Hein. Après, faut pas oublier quand même que effectivement, les gros jeux qu'on attend de l'E3, c'est il y a des gros jeux solo, mais il y a aussi des jeux qu'on attendait en 2017-2018 qui se sont viandés, mais bien viandés. Par exemple, Dishonored 2, par exemple, Prey. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était quand même. Des gros plantages. Après, il y a eu en contrepartie des belles réussites comme Horizon Zero Dawn que personne n'attendait, le God of War qui était attendu qui a quand même été un gros succès. Voilà, c'est pas parce que médiatiquement on attend un jeu que commercialement il va être un succès. C'est deux choses différentes. Après, moi j'ai tendance à penser, et je peux me tromper parce que je suis pas intrinsèquement une joueuse de multi, que en fait, les joueurs de multi sont sur un multi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des joueurs qui ont une PS4 et qui, chaque année, achètent le dernier FIFA et vont passer leur année sur le dernier FIFA. Je pense qu'un joueur de Fortnite va pas aller trop découvrir un autre multi. Enfin, un joueur de Fortnite basique, entre guillemets. Alors que dans le solo, dans l'année, on a la place pour 2, 3, 4, 5 jeux solo ou 40 si on est balle. Personne ne peut être plus rapide que moi. D'ailleurs, vu qu'on reparle de moi, et c'est vrai que on a oublié finalement de parler de multi-jeux de baston. Bah, mais en même temps, je crois que je suis peut-être le seul aussi qui joue à des jeux de baston. Ouais, non, mais c'est intéressant. Non, moi, j'y joue aussi, mais le multi, en fait, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le truc, c'est que quand t'es pas très multi, les jeux, comme dans beaucoup d'autres multi, tu te fais rétamer, quoi. Enfin, je veux dire, le multi de jeu de baston en ligne, c'est un peu pénible. Puis Street Fighter V a été un gros échec qui, pour le coup, m'a un peu refroidi. Donc, en ce moment, je suis plus sur Dragon Ball Fighters et pas forcément sur le multi, sur les missions, etc. Et pour le moment, ça me suffit bien. Ouais. En fait, alors c'est vrai que moi, j'ai pas du tout joué à Street. C'est vrai que moi, je joue quasiment que au multi de Arc System. C'est vrai, Dragon Ball Fighters. Je trouve que c'est un jeu multi qui m'a un petit peu déçu parce que j'ai trouvé qu'en fait, il était facile. En fait, je le trouvais trop facile. Enfin, ou pas, parce que j'entends trop facile, en fait, il n'y a pas de spécificité pour les combos. C'est-à-dire que, peu importe le joueur que tu jouais, de toute façon, tu faisais ton car avant et ton moyen fort, et hop, tu faisais ton coup spécial, quoi. Oui, mais je pense que, en fait, pour le coup, je pense que ça a été assez malin de leur part, parce que Dragon Ball Fighters, en fait, c'est le jeu de baston pour les casus. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, moi. C'est qu'il manque. Au final, assez peu de technicité et du coup qui offre un plaisir immédiat aux gens qui veulent jouer à un jeu Dragon Ball beau et fun. C'est clair. Et riche aussi dans pas mal de modes de jeu. Donc du coup, pour moi, c'est une réussite en ce sens-là. Si tu veux de la technicité, et ben en fait, je pense pas que tu vas vers Dragon Ball Fighters, tu vas vers d'autres jeux, tu retournes vers Street, etc. Ouais, ou tu joues à BlazBlue comme moi, quoi. Où tu joues à BlazBlue, en effet, qui est un super jeu, mais qui, du coup, demande du temps et de la technique. Ah, c'est chaud, BlazBlue, hein. Oh la vache. BlazBlue, je l'avais reçu à l'époque, quand je bossais, à l'époque où je bossais encore dans la presse. Waouh, c'est hyper tendu. Alors, je crois qu'il y a quasiment un gameplay par personnage, en fait. Non, pas personnage, mais je veux dire qu'il y a peut-être une dizaine de... Enfin, à dire, je crois qu'aujourd'hui, le dernier BlazBlue doit être à 33 ou 34 personnages. Tu dois en avoir une grosse quinzaine, quoi. Un gameplay assez basique. Et ouais, genre, les 20 autres, c'est effectivement le gameplay spécifique pour ce personnage. Parce que ta Mew, elle permet de faire des attaques à distance. Nine, c'est que des attaques de magie. Bullet, t'as un truc spécifique. Azrael, c'est par rapport au point faible. Donc ouais, c'est vrai que C'est ça qui est intéressant dans Blast Blue, c'est que justement, t'as les joueurs, enfin t'as, voilà, t'as Ragna, Jhin et tout ça, c'est les persos de base, tu veux, voilà, n'importe quel joueur de jeu de baston peut s'y mettre, puis après t'as tous les autres jeux de perso, enfin perso où effectivement là, t'es obligé d'y jouer 10-15 heures pour parfaitement maîtriser le gameplay du jeu, enfin le gameplay du personnage, et pouvoir dire, voilà, pouvoir jouer en multi sans se faire rect direct, quoi. Là, tu nous as tués. Ouais, ouais, là, bah, carrément, ouais. Mais, non, mais c'est vrai que j'ai perdu le fil, en fait. Ouais, complètement. Mais non, mais Blast Blue, pareil, je pense que ça doit être vraiment une niche dans la niche qui joue. C'est un jeu qui est toujours assez pratiqué, non? Clairement, oui, clairement. Bah, de toute façon, on retrouve toujours. Aussi, la particularité de Blast Blue, c'est que contrairement à certains jeux où effectivement, t'as des mecs qui disent, ah, bon, on joue que à Street 3-3 ou on joue que à Smash Melee, Blast Blue, je crois qu'ils sont toujours gardés sur la dernière version, c'est-à-dire qu'ils disent pas la version Alevo c'est Chrono Fantasm ou Calamity Trigger, c'est-à-dire qu'ils jouent sur Central Fiction. Alors sur Central Fiction, c'est-à-dire Le dernier. D'accord, ok. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Donc, ok. Mais en tout cas, tu fais bien de parler des jeux de baston parce que c'est vraiment un des piliers aussi du jeu multi, même si sur les jeux de baston, il y a cette contrainte de la frame. Combien j'ai entendu parler, râler que bah, le coup ne passait pas la frame près, donc du coup ça chamboulait un peu tout le jeu, la façon de jouer, etc. Que ça dénaturait l'expérience. Donc ça, je crois que c'est un petit peu quand même compliqué d'avoir une belle expérience multi au niveau des jeux de baston. Bah, enfin, moi, je sais pas, justement, je sais que, enfin, j'ai une bonne connexion, je sais que sur Blast Blue, j'ai pas ce problème, mais aussi parce que le jeu, dans son fonctionnement, te permet un petit peu de bufferiser tes coups. C'est pour ça que j'ai du mal avec Street. Sauf qu'avec Blast Blue, j'ai l'habitude, effectivement, tu prépares tes coups quelques frames à l'avance pour qu'ils sortent, alors que sur un jeu sur Street, effectivement, ta fenêtre, c'est 3-4 frames, et effectivement, bah, si t'as un lag de 4 frames, en fait, entre le moment où t'essayes de le lancer, enfin, le moment où t'essayes de faire ton enchaînement de combo, et le moment où tu le sors, en fait, bah, t'as le lag, t'as fait perdre ton combo, et bah, tu te fais taper, quoi. Alors, l'idée net, toi, Dragon Ball Fighters, tu as déjà essayé de jouer en ligne ou tu joues en local? Un tout petit peu en ligne, mais en fait, là, je suis plutôt sur les modes solo, enfin, en fait, il y a pléthore de modes en fait Dragon Ball Fighters. Donc, en fait, un peu comme dans Soul Calibur sur Dreamcast, moi j'adore les jeux de baston avec un gros solo en fait. Et ben là, je m'amuse parce que j'ai plein de missions, plein de trucs à faire, plein de trucs à débloquer. Et du coup, j'ai pas le besoin d'aller jouer en ligne. Alors, ça m'arrive de temps en temps, mais au final, assez peu parce que le contenu tel qu'il est me va bien en fait. D'accord. Et vous autres, messieurs, non, le jeu de baston en ligne, c'est pas... Un peu de Super Smash de mon côté. C'était surtout celui sur Wii U, pour le coup, parce qu'il était assez bien fichu. Mais c'est vrai que le problème de Super Smash, c'est que Nintendo est très mauvais pour le jeu en ligne. Et dès qu'il y a un des deux qui a une mauvaise connexion, le jeu rame à mort et ça devient hyper désagréable. Je veux pas parler du multi de Mario Tennis Aces, quoi. Sincèrement, si tu joues avec un mec qui a une mauvaise connexion, mais les frames que tu te prends, t'as l'impression de jouer en mode ralenti. Ah ouais. T'as l'impression que dans 56K, tu fais tac. Tous tac, les jeux Nintendo. Et donc, mais le pire, c'est que t'as tout un gameplay, justement, je pense, sur les mecs qui ont des mauvaises connexions pour tirer des coups à côté et faire exprès que le mec n'ait même pas le temps de réagir. Et le plus étonnant, c'est que Mario Kart n'a pas ce genre de problème. Enfin, j'ai pas souvenir dans un Mario Kart que... J'ai jamais eu ça sur Mario Kart. Bah voilà, et pourtant, Super Smash ça le fait, apparemment, donc Mario Tennis ça le fait. C'est vachement étonnant qu'il y ait autant de disparités pour des jeux, alors qu'en plus, un Mario Kart, normalement, il y a plein de joueurs dessus. Donc, il y a plus de choses à afficher à l'écran, enfin, je veux dire, c'est pas le... Ouais, c'est vraiment étonnant, mais c'est ce qui me frustre le plus avec Super Smash Bros en fait. Bah, ça ira peut-être mieux avec le prochain sur Switch. Bah j'espère, ils ont intérêt là. J'y crois. Ils ont intérêt puisque, enfin moi personnellement c'est pas du tout ma cam Smash, ce qui m'embête d'ailleurs parce qu'au niveau fanservice Nintendo c'est la fête. Mais Mario Kart sur Wii et même sur Wii U, je me souviens pas que c'est ramé. Je crois qu'une fois sur Wii U j'ai eu un... Une fois, il y avait une petite perte de framerate sur une course, mais sinon, sur les centaines d'heures qu'on a dû passer dessus, les deux versions confondues en ligne, j'ai jamais eu de soucis techniques. Et Bon, c'est étonnant. Ouais. Pour Mario Tennis, c'est étonnant quand même, parce que là, en plus, c'est une nouveauté, ils auraient pu mettre en place. Après, ça peut être effectivement dû au fait que c'était les serveurs de la bêta. Ah, peut-être aussi. Mais là, tu parles de la démo. Ouais, t'as pas pris le jeu fini? Ah, je croyais que tu parlais du jeu du. Parce que là, il est sorti ces jours-ci, je crois. Et il est sorti hier. Non, en fait, justement, en fait, c'est la démo m'a tellement séché en mode ce jeu est trop dur pour moi, je l'ai même pas pris au final. Tu l'as pas pris, mais tu vas le finir dans la semaine. Non, de toute façon, déjà le Mario Tennis sur 3DS, j'avais déjà, enfin, je l'avais acheté, puis je l'avais pas fini parce que, enfin, je me niquais les doigts dessus, quoi. En fait, je pense que je serais un très bon joueur de Street Fighter, le premier, parce que sur Mario Tennis, mais j'enfonçais mon bouton comme si j'espérais que j'allais taper plus fort dans la raquette, quoi. En tout cas, elle a l'air vachement bien ce Mario Tennis. Je sais qu'il est sur ma liste, mais plus pour pour du multilocal à nouveau. Ouais, multilocal, ouais, c'est ça. Mais ouais, non, le multi en ligne, ça m'a tellement séché, quoi. Puis, en fait, finalement, c'est quand j'ai rejoué à ce Mario Tennis, en fait, je me suis rappelé pourquoi est-ce que j'avais arrêté de jouer à celui sur 3DS, quoi. Bah, pour revenir sur les souvenirs rapidement du multi, le premier sur N64, mais je l'avais adoré, quoi. Moi, j'ai souvenir, ouais, de l'avoir fait en émulateur, ouais, avec des potes en fac, enfin, en école d'ingé, et ouais, Il des bons n'avait pas tous souvenirs, ses quoi. super pouvoirs après qui pour moi m'ont saoulé sur GameCube. Je trouve qu'il cassait vraiment le rythme de jeu. D'ailleurs, je crois que sur Switch, on peut désactiver les super attaques. On T'as un peut mode vraiment. classique quoi, Oui, tu peux. qui supprime toutes ces super attaques. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est une très bonne idée. Ouais, donc encore une fois, sur Switch, le jeu multi vraiment local, ou pas d'ailleurs, c'est un peu la teuf. Par contre, sur Smash Bros, ils ont pas intérêt à se foirer au niveau du mode en ligne, hein, parce que là, ça va. Internet va brûler. Ah non mais enfin bon ils peuvent toujours je peux me tromper mais je pense qu'ils en sont conscients quoi parce que ce sera quand même enfin c'est quand même la grosse sortie sur Switch de la fin d'année quoi sachant qu'ils mettront en place un abonnement payant. En plus, exactement. Et pour nous avoir saoulé 3 quarts d'heure à l'E3 avec, je pense qu'il ne faut pas qu'il soit, c'est clair et net. Bon, à part un peu Mopral, donc on est tous vraiment plus des grands consommateurs de jeux solo. Et j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment inquiet sur l'avenir de celui-ci. Non, même moi je suis pas inquiet, pourtant, même en faisant beaucoup de jeux multi, je suis pas du tout inquiet. Les ventes qui ont un peu inquiété de certains jeux solo, alors. Beaucoup de Bethesda. Il y avait The Evil Within 2 aussi, qui avait pas du tout les chiffres de vente escomptés. Est-ce que la com aussi, la manière de vendre les jeux, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité, je demande, hein, de la part de Bethesda au niveau de comment, de la manière dont ces jeux ont été vendus, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite part de responsabilité de la part de Bethesda? Parce qu'on revient surtout sur le cas Bethesda, et c'est les échecs successifs de Bethesda qu'on même lance, enfin, de mémoire, qu'on vraiment lancé le débat. Ben, en fait, c'est deux choses en parallèle. C'est que les échecs successifs de Bethesda, qui n'étaient pas imputables à la qualité des jeux, puisque les jeux étaient bons, c'est-à-dire que c'est pas des, c'est, enfin, le Dishonored 2, par exemple, était vraiment excellent. Le Wolfenstein 2 était très sympa. Puis, dans le même temps, d'autres boîtes comme EA qui laissent tomber un projet ambitieux solo en disant on va plutôt, leur discours à l'époque, c'était on va plutôt se reconcentrer sur du multi, en fait, c'était aussi ça qui Oui, s'était exact, le projet Damien Henning qui a été complètement tué dans Voilà. l'œuf. Et effectivement, bah voilà, des plantages, des studios qui essaient de s'orienter vers du multi et de partir à l'arrache vers le Battle Royale, ce qui a été une grave erreur. Du coup, tout ça, on se dit, mais est-ce que les gros studios, parce que Bethesda, c'est pas non plus, c'est une grosse boîte, mais c'est pas la mastodonte EA, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que j'en ai. Ouais. Est-ce que quand les grosses boîtes donnent le signal qu'ils vont plus vraiment soutenir le jeu solo pour partir plutôt vers des games as a service, etc., on se dit, bah, du coup, est-ce qu'on va pas perdre des jeux solo triple A aussi? C'est-à-dire que des expériences solo indé, sympas, belles, qui nous emportent, ça, elles disparaîtront jamais. Mais la question qui se posait, c'est est-ce que les triple A en jeu solo sont capables de survivre, quoi, en fait? À quelques exceptions près. Oui, parce qu'on a eu du succès du côté du Japon aussi, récemment. Bon, qui va un peu de pair avec le revival du, en tout cas comme on l'appelle, du jeu japonais. Oui, effectivement, ça faisait beaucoup de choses d'un coup, mais c'est toujours pareil. Les boîtes, je pense que par cet appât du gain, je dirais quasiment immédiat, là, elles sont pas du tout dans une stratégie à moyen long terme. C'est vraiment, on change de cap en urgence parce que voilà, là, ça sent mauvais. Et puis, je pense que beaucoup vont s'y casser les dents, que ça a déjà commencé. Effectivement, parce que des succès de jeux solo, j'ai plus la liste en tête, mais il y en a, enfin, il y en a toujours. Il y a le God of War là cette année. Je pense que sans spoiler outre mesure, le Red Dead Redemption 2 sera un énorme succès. Sachant c'est clair. Que là où Rockstar est très fort, c'est qu'en plus ils vont nous faire un jeu, un mode multi qui va également être aux petits oignons, parce que le multi de mince GTA 4 il fonctionne toujours. Enfin, je veux dire, il... GTA 5, tu veux dire. GTA 5, pardon. Ouais. Je n'ai loupé un numéro. et bon, bah, effectivement, après. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets qui ne verront pas le jour parce que ben, les boîtes n'y croient pas? Un jeu comme Vampire, par exemple, je pense qu'il va se planter. Ben, parce que le jeu est moyen, parce que le marketing n'est pas bon, je serais surprise qu'il s'en sorte. Le marketing n'est pas bon, le jeu a eu un accueil timide, visiblement, de la presse. Ce qui a tendance un peu à refroidir, je pense beaucoup de monde. Bon, après, voilà, ça veut rien dire, parce que les jeux Bethesda qu'on citait tout à l'heure ont eu un excellent accueil presse. Mais Vampire, je vois ça mal barré, personnellement. Après, la question, c'est où est le point d'équilibre? À partir d'où ils perdent pas d'argent et ils peuvent continuer à faire d'autres jeux et à investir dans d'autres jeux, quoi. Ouais. Ou alors, il y a peut-être la voie du double A. On prend souvent un exemple, et Dieu sait que j' ai envie de le faire, et j'ai pas pu me l'acheter encore, j'ai pas le temps de le faire, mais le Setsuna de Ninja Theory, c'est considéré un petit peu comme un double A, en fait, c'est-à-dire que pour un jeu à petit budget, il fait partie vraiment des paliers assez, assez élevés, et ça a été un gros succès surprise, en fait. Sachant qu'il n'y a pas une campagne non plus de marketing de taré, il me semble. Là, c'est le bouche à oreille qui a vraiment bien fonctionné, le jeu a une excellente répute. Et ça fait super plaisir. Je vais resservir ma soupe sur Nier Automata, mais pareil, il est débarqué un peu de nulle part. Tu parles de quel jeu là? I Am Setsuna? Non, Hellblade. Merde, attends. C'est Setsuna Sacrifice, Hellblade, ouais. Oui, c'est ça. Oui. Ah, non, Hellblade, ok. Oui, j'aurais dû dire Hellblade plutôt, et Setsuna, oui. Qui a été un succès surprise quand même. Parce que de par la thématique et de par le petit budget. Ils se sont battus à le financer. Il y a encore des belles histoires comme ça. Donc, je pense que déjà à travers le double A, le jeu solo, avec un risque moindre, avec un bon concept, et puis et pourquoi pas un bon market autour, ouais, je pense qu'il y a moyen vraiment de toujours faire des succès. Après, pour les triple A, voilà, tu le disais tout à l'heure, Lina Nounette, il y a Horizon qui est quand même une nouvelle IP qui a été un sacré carton. Alors, c'est vrai que sa plastique. Je pense que ça fait beaucoup, mais le jeu a été un énorme succès. Et c'est carrément, on peut le considérer comme une nouvelle licence chez Sony. Et je suis sûr qu'ils sont déjà en train de préparer le 2 pour la PlayStation 5. Je suis vraiment quasiment persuadé de ça. Ça fera un beau titre de lancement pour. Enfin, en tout cas, de fenêtre de lancement pour la machine. En tout cas, le jeu se termine de façon que tu as une suite. Alors moi j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout puisque j'y joue vraiment de manière très épisodique. Hein. Bon, je l'ai depuis le jour J en fait le jeu, mais comme j'adore m'y balader, les décors me fascinent tellement en fait que limite l'histoire principale je la suis, mais parce qu'elle est sympathique, mais c'est plus l'expérience que je me fais dans ce jeu-là. Et là pour le coup vraiment solo quoi, c'est-à-dire que je me fais mes randonnées dedans quoi. Enfin, je trouve le monde totalement fascinant d'Horizon Zero Dawn. Du coup, mais voilà des exclus solo qui cartonnent comme ça et donc comme God of War encore récemment, c'est je pense qu'il y a aucun souci à vraiment à se faire dessus, quoi. Après, peut-être que le public, pour revenir à ces jeux Bethesda, n'avait peut-être pas envie de jouer à ça à ce moment-là. Je sais pas. Après, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que, mais bon, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, en ce moment, le jeu solo se porte très, très bien, et je me pose même plus la question, et je suis persuadé que les studios qui ont fait un virage comme ça, pour revenir sur le multi, certains vont s'y casser les dents, vraiment. Bah, certains vont peut-être même faire en fait un virage à 360 degrés pour revenir au point de départ, du coup. Bah, c'est clair. Parce que bon, il y a quand même eu des belles expériences en solo l'année dernière. Il y a eu le Mario Odyssey, pour citer les jeux sur Switch, il y a eu Horizon Zero Dawn. Zelda, quoi. Et puis, Horizon Zero Dawn, donc ça fait 3-4 jeux, puis j'en oublie plein de jeux qui sont avec moins d'ambition. Assassin's Creed Origin ? Oui, en effet, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Mais je crois que on en oublie plein parce que finalement, à part certaines grosses décisions qui sont prises par des gros studios, c'est presque un... Enfin, pour moi, dans mon... Et moi, je le vois par rapport à la revue de presse JV. C'est presque un non-sujet, puisque des jeux solo hyper attendus, j'ai l'impression qu'il en pop toutes les semaines. Alors après, il faut voir les résultats là-bas. Enfin, au final, au niveau des ventes, etc. Mais je me fais vraiment pas de soucis là-dessus, quoi. Je me fais pas de soucis, vraiment. Et sur la battle, c'est qu'elle veut dire des battles royales qui, en ce moment, au bout d'un moment, voilà, tout le monde va pas pouvoir se partager le gâteau. Ça, c'est clair et net. Au niveau des jeux services aussi, puisqu'on le disait, les gens peuvent pas se consacrer corps et âme à 36 jeux multi en même temps, qui est l'avantage du solo, c'est que tu peux en enchaîner plusieurs. Donc moi, franchement, j'ai l'impression que ça va se rééquilibrer, si c'est pas déjà le cas, naturellement, quoi. Puis, enfin, il y a peut-être aussi que les tous ces jeux games as service, depuis que moi, ils se prennent quand même quelques shitstorms en pleine face. Prends l'effet des loot box sur Star Wars Battlefront 2, qui est pas rien, plus les problèmes qu'a eu Destiny 2 avec ses soucis d'expérience où à un moment tu plafonnais je suis pas spécialiste de ça, mais il me semble que t'arrivais à un certain palier, en fait tu gagnais beaucoup moins d'expérience par rapport au pas autant de jeux, mais par rapport au... Ah oui, je me souviens de ça, oui, effectivement. Donc, je crois que c'était quelqu'un sur Reddit ou sur je sais plus quel forum qui avait fait le calcul, ouais, et qui s'était aperçu que finalement, arrivé à un certain niveau, tu gagnais beaucoup moins d'expérience, et que c'était beaucoup plus long et plus dur de monter en niveau. Et du coup, il fallait repasser à la caisse, enfin pas repasser à la caisse, mais il fallait jouer de plus en plus longtemps et d'obtenir, je sais pas comment ça se passe dans le jeu, des récompenses ou de l'expérience. Et du coup, il faut rajouter à ça aussi, c'est que, par exemple, aux Pays-Bas, tout ce qui est type lootbox et le type gambling, c'est-à-dire jeu d'argent, vient d'être interdit. Donc tout ce qui faisait un peu la base du business model, ces jeux multi et games as service, commence un peu à être un peu limite. Moi, je pense que là, les deux Battle Royale, à savoir PUBG et comme un Fortnite, moi, je les vois encore durer quelques temps, tranquillement. Les jeux Ubi aussi. Les jeux Ubi, je trouve qu'au niveau du online, il y a un suivi qui est assez impressionnant. Même si les jeux n'ont pas forcément de gros succès au début, ils lâchent pas l'affaire. Donc ça, bon, c'est quand même tout à leur honneur. Et voilà, puis après, il y a les gros, bien sûr, les Call of, etc., les jeux de fin d'année. Alors, paraîtrait-il que sur les gros jeux de foot, en tout cas sur un FIFA, ils réfléchiraient à passer ça en game as a service. Je sais même pas si ça n'y a pas déjà eu des petites infos là-dessus. Ou alors, moi, je suis pas du tout l'actu des jeux de sport, hein, je vous avouerai, mais... Moi, j'avais entendu sortir une galette une année sur deux. C'était pas un abonnement. Et puis, chaque année ou à chaque début de saison, ils refaisaient une mise à jour. En fait, il n'y aurait plus de FIFA annuel, il n'y aurait que des grosses mises à jour. Oui, j'ai entendu ça. Parce que finalement, quand le moteur est bon, il n'y a peut-être pas besoin de continuer à sortir un jeu par an, finalement. Ouais, et tu sais, 70 balles pour changer un ballon puis la pelouse. S'il y a trop de pigeons, pourquoi pas, quoi. Je sais pas si financièrement, justement, ce qui serait le plus intéressant, c'est de continuer à leur vendre leur galette, quoi, ou d'alimenter, via téléchargement, le jeu avec une mise à jour, avec les machins, les équipes. Et puis, je sais pas, à côté de ça, je sais pas s'ils s'y retrouveraient pas plus, finalement, au bout du compte, l'éditeur, en l'occurrence. Je n'ai jamais compris, moi, pourquoi ils n'avaient jamais fait comme ça. Ça fait des années que je me pose la question. Parce que doit. Après, il n'y avait pas forcément les infrastructures réseau pour, en fait, peut-être par rapport au public qui joue à FIFA, c'est mieux pour eux de le faire, je sais pas, de le faire sur un jeu annuel qui sort en boîte. Après, je pense qu'en coût fixe, ils ont quand même, ne serait-ce que tous les coûts d'achat de droits, des différentes coupes, des différents sponsors, des différents joueurs. Je pense que voilà, ça doit quand même être un sérieux, un coût non négligeable, quoi. Je pense qu'ils sont aussi sur un moteur qui est stable et qu'il y a, va pas y avoir de grosses évolutions avant la sortie de nouvelles consoles, en fait. Et puis quand je vois la coupe de cheveux de footballeurs, maintenant tu te demandes s'ils vont pas devoir faire un sponsoring avec Mariono. Ça, c'était le petit tacle. Ouais. Le petit tacle Coupe du Monde de 2018. Mais après, t'as encore l'attrait du physique, hein. Enfin, combien de gamins ont envie, ou même de n'importe quel joueur, d'aller acheter son FIFA au magasin ou de se faire offrir à Noël, par exemple? Non, puis ce que disait Lina Nunette aussi, c'est intéressant, c'est dans le sens où il y a certains sont pas forcément non plus hyper connectés. Oui. Ils achètent leur FIFA tous les ans à Leclerc, tu vois, ou à Carrouf. Et si tu leur dis non, mais faut que tu télécharges tout ça, limite, ils diraient bon bah moi j'ai un internet qui fonctionne mal chez moi, bah je m'en fous, je continuerai à jouer à cette version. Et puis voilà, que le fait de le voir en rayon, tac, je me prends ma version annuelle, etc. Parce qu'effectivement, il y en a qui n'achètent que leur FIFA chaque année, leur console leur sert à ça. Donc effectivement, ça, il risquerait peut-être côté éditeur de se mettre, EA en l'occurrence, de se mettre ce public-là de côté. Donc ouais, ce serait peut-être pas un bon calcul. Il y a aussi, enfin, je veux dire, ces joueurs qui vont acheter FIFA tous les ans, enfin, je suppose qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir une tour de boîte de FIFA à côté de leur télé depuis, je dis n'importe quoi, FIFA 98, quoi. Donc peut-être aussi qu'ils aiment bien pouvoir revendre l'ancienne version pour pouvoir. Bah, ça fait toujours quelques euros pour la nouvelle, quoi. Sauf que quand tu télécharges, bah, ça, tu l'as dans l'os. Effectivement, puisque à partir du moment où une nouvelle version qui sort, l'autre est de facto est tout de suite caduque. Elle te sert plus à C'est rien, bien quoi. qu'elle a un meuble. Ouais, enfin, Ouais, faut pas, et faut encore. avoir beaucoup de meubles à caler quand même, au bout d'un moment. Tout est calé chez toi avec des boîtes de FIFA, c'est un peu dangereux. En cas d'inondation, je suis pareil. Tout est surélevé par les boîtes de FIFA. Quand tu vois que maintenant ça ne même pas 3 balles dans un bac à solde. Mais sinon, je voulais rebondir sur un truc. C'est vrai qu'on parlait du fait que Ubisoft suivait bien ses jeux et ses multis. On n'a pas non plus parlé de Blizzard, hein, qui a quand même lancé Overwatch et qui s'est quand même, enfin, qui s'est inséré sur la scène multi, qui connaissait déjà par rapport à d'autres jeux, StarCraft notamment. Blizzard, en la matière, franchement, ils sont quand même excellents. Moi, c'est vrai que je suis joueuse de Hearthstone et il y a Et régulièrement, il y a beaucoup d'équilibrage pour essayer de faire des méta qui sont stables, qui ne sont pas trop polarisés. Franchement, là-dessus, ils sont assez irréprochables, je trouve. Oui, effectivement. Ils sont même très bons, hein. Ils ont Overwatch est payant et dedans, t'as de la loot box. Ils ont tout compris. Et Oui, tout à fait. personne Mais n'a râlé cosmétique. sur eux, mais parce que C'est ça. c'est de la loot box qui n'amène pas De déséquilibre. de déséquilibre du jeu. Et puis Overwatch, ça aussi, c'est quand même un sacré. C'est un putain de succès qui se confirme encore aujourd'hui. Je crois que le jeu est toujours aussi joué, il me semble, hein. Quoique, par contre, pour en revenir un tout petit peu à Blizzard qu'on parlait, autant ils n'avaient pas eu des problèmes de loot box, autant à un moment il y avait quand même eu des grosses polémiques avec leur l'auction house, donc j'ai plus le mot en français, l'hôtel des ventes, voilà, où effectivement là par contre on était dans du pay to win, c'est-à-dire qu'on pouvait acheter des objets, enfin après pay to win en même temps, ça reste un jeu solo, mais où il y avait beaucoup d'argent qui était, je disais, vous pouvez acheter votre équipement avec de l'argent réel si vous n'avez pas assez d'or en jeu, quoi. Ah, ça partait d'une bonne intention, c'était pour éviter les farmers chinois là qui allaient revendre. Sachant par contre que Diablo 3, en Chine, tu peux acheter les objets cosmétiques directement. En plus. Ok. Et ouais, je crois que c'est spécifique à la Chine. Et je sais que ça m'avait un peu rebuté, moi j'ai commencé Diablo 3 avec l'hôtel des ventes et c'est vrai que c'était assez pénible, t'avais vraiment cette impression de looter des armes et qui correspondaient pas du tout à ta classe et que t'étais obligé de passer quasiment par l'hôtel des ventes pour essayer d'obtenir des objets, des armures, des armes qui correspondent à ta Ouais. classe. Exactement. Ah, d'accord, moi je suis arrivée après ça, quand ils ont justement arrêté l'hôtel des ventes, mis en place la grosse mise à jour. sorti le jeu en fait sur PS4 directement avec le gros add-on en fait, le premier, je sais plus le nom de la version. Donc Les forcément, braves sols. voilà. Et du coup, moi j'ai tout de suite eu un jeu mieux équilibré et je me suis bien amusée. Ouais. Et c'est vrai que je confirme, quand j'ai repris le jeu après la mise à jour sans le télévente, je me suis mis à relooter des armes qui correspondaient à à ma classe de personnage. Et c'est vraiment été flagrant. Et c'est là pour le coup que j'ai repris un peu Diablo 3. Ok. Moi, Overwatch, alors, j'ai jamais eu l'occasion de m'y lancer, mais par contre, j'adore la DA. Je dis ça comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, mais j'adore la DA d'Overwatch. Je trouve qu'ils ont une DA vraiment superbe. Moi j'y ai joué et en fait je trouve que c'est assez difficile de jouer en équipe dans Overwatch dans le sens où sauf si tu joues avec des potes et donc là ça fonctionne bien, mais si tu joues avec des inconnus, tout le monde part dans tous les sens et ça devient n'importe quoi en fait. Mais sinon comme toi la DA est assez géniale. Et comme du coup j'ai pas vraiment d'amis qui jouent à Overwatch, j'ai un peu laissé tomber. Moi, je sais pas, mais je trouve qu'il y a un boulot autour d'Overwatch qui est assez bluffant, quoi. Ben c'est bien travaillé quoi là-bas. C'est tu sens qu'ils ont vraiment mis le sens du détail. Je sais plus si c'était Mark Brown ou quelqu'un d'autre que j'avais vu qui avait fait une vidéo comme ça. Et il expliquait que la manière de marcher de chaque personnage changeait selon le personnage. C'est-à-dire que par exemple, il y en a un qui s'appelle Chacal qui a une jambe en bois. Et quand il se déplace, tu entends la jambe en bois, tu sens que ça penche un peu sur le côté, etc. Ce genre de choses. Et c'est vraiment le travail bien fait quoi. Et c'est pour ça que je pense aussi que c'est aussi plaisant. Bah moi qui suis pas du tout dans ce genre de style de jeu-là, à chaque fois qu'ils annoncent un nouveau perso, je me dis ah j'aimerais bien essayer à ce point-là quoi. C'est-à-dire que moi la DA me plaît beaucoup et puis c'est vrai que les bandes annonces elles donnent vachement envie. Alors que clairement quand on est seul à y jouer, ça a un intérêt un petit peu. De toute façon c'est que multi Overwatch, c'est-à-dire que t'es obligé de te mettre sur un serveur, tu te bastonnes contre des personnes. Si t'es vraiment tout seul dans ton équipe, ça reste amusant ou il faut vraiment faire équipe avec des personnes Il faut faire Il faut équipe. faire équipe. Et du coup, si t'es tout seul, enfin, si t'es avec des gens que tu connais pas, c'est très vite n'importe quoi en fait. Il n'y a pas vraiment de coordination. En fait, je trouve pas. Non, enfin, ça dépend. Enfin, après Overwatch, c'est le même problème que quand tu joues n'importe quel jeu. Le problème, c'est que dans un Call of, enfin, c'est plus facile de dire bon, bah, je vais jouer comment dire, chacun de mon côté. En plus, le truc qu'ils ont changé, c'est Overwatch au départ, on pouvait faire une équipe avec 6 fois le même perso. Et effectivement, là, par contre, tu pouvais faire n'importe quoi. Et justement, là, le problème, c'est que enfin, le problème, ils ont changé récemment, c'est-à-dire que sur le mode classique, si un perso est déjà choisi, t'es obligé de prendre un autre perso. C'était pour forcer un petit peu, pour éviter que tout le monde prenne enfin, Soldier 76, qui est un peu le perso de base de shooter ou truc comme ça. Mais ça n'empêche que si t'as un perso qui prend enfin, si personne prend de soigneur ou si le mec qui joue soigneur fait n'importe quoi, tu peux avoir des parties qui sont horribles. Quand t'as l'opposé, tu peux jouer avec des joueurs complètement random, mais avec les phrases automatiques et tout, tu peux très bien te sortir. Donc c'est vrai que moi, je sais que c'est un jeu que j'aime bien, que je manque de temps et de skill pour y jouer, mais que, enfin, c'est comme Heroes of the Storm, quoi. Ça dépend vraiment avec qui tu joues et si t'as de la chance ou pas de jouer avec des joueurs qui jouent sérieusement ou qui font n'importe quoi. Bah voilà, c'est bien ce que je disais en fait. Moi, je suis plutôt tombée sur des joueurs qui faisaient n'importe quoi. Mais comme moi, je fais peut-être aussi un peu n'importe quoi pour eux, hein. C'est un petit peu le problème, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu le problème du jeu multi, quoi. C'est que tout dépend sur qui tu tombes. Quand tu es avec des personnes que tu connais, ça se passe tout de suite, pardon, beaucoup mieux. Si tu tombes sur un gosse de 12 ans, comme disait machin truc, qui t'envoie des jolis mots d'oiseau pendant toute la partie, bon bah c'est sûr que là, t'as juste envie, hein, c'est de jeter le jeu à la poubelle et puis voilà, quoi. Non, juste de le buter, tout simplement. Au-delà de ça, en fait, quand t'es dans du multi qui demande une certaine coordination d'équipe, en fait, voilà, c'est tout de suite un petit peu compliqué déjà de jouer sans casque ou de jouer avec des inconnus, quoi. C'est un peu la différence aussi avec les Battlefield où j'ai quelques amis qui jouent un peu sérieusement, qui se réunissent et du coup chacun a bien son rôle dans l'équipe et là, ça fonctionne bien. Là, c'est hyper intéressant, mais effectivement, il faut avoir le temps de se réunir, avoir des amis qui jouent au même jeu. Ça demande quand même des conditions particulières, quoi. Et entre les deux, il y a quand même Splatoon où tu communiques pas vraiment avec les autres joueurs, d'autant plus que le système de communication de Nintendo par le téléphone, machin, c'est un peu risible. Et en fait, ça fonctionne quand même bien. À partir du moment où tu prends en compte les attributs de ton arme, c'est-à-dire que ton arme fait que bah, par essence, tu as tel rôle dans l'équipe, et ben bah, en général, au bout de. Enfin. C'est à jouer un peu plus longtemps que tu as monté quelques niveaux, ben chaque membre de l'équipe a un peu son rôle, quoi. Et ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, non, sur le débat en général? J'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le Ouais, je tour me de posais tout. juste la question de ce type de jeu, tu vois, d'ici 5-6 ans, quand toi, tu veux le reprendre pour y jouer tranquillement dans ton coin et que tous les serveurs sont déconnectés. C'est une vraie Ah question, bah ça. c'est la difficulté du jeu multi. Voilà. Le multi, il est pas pérenne. C'est-à-dire que si tu loupes le coche du multi au moment où il est là, t'auras normalement pas moyen de le rattraper, quoi. Alors qu'un jeu solo, si tu arrives à trouver la machine qui le faisait tourner ou à l'émuler, bah tu pourras toujours revenir dessus. C'est-à-dire que si j'ai envie aujourd'hui de me lancer Warcraft 2 ou Little Big Planet, je peux toujours me lancer Warcraft 2 ou Little Big Planet. Si je veux jouer en coop sur Phantasy Star Online sur Dreamcast, ça va tout de suite être plus tendu, en fait. Parce que voilà, les serveurs sont plus là, il y a pas mal de jeux qui ont été déconnectés. Voilà, pour la préservation du patrimoine, effectivement, c'est un vrai problème parce que là, ce sont des choses qui Et disparaissent là, tu purement et pourras voir simplement. dans X années, tu seras obligé de passer par des youtubeurs qui ont enregistré des parties au moment où le jeu était en activité. Et ce sera ton seul moyen de voir à quoi ressemblait un Overwatch, un PUBG. Ouais, où il y aura des bidouilleurs qui trouveront un moyen de d'émuler, enfin, tu sais, de faire des parties sur des serveurs en local, tu sais, pour pouvoir y jouer avec plusieurs PC les uns à côté des autres. Je pense que il y aura toujours moyen de trouver quelque chose comme ça. Enfin, c'est mon avis. Tu sais, les jeux solo avec les patchs Day One, c'est pas forcément certain que d'ici une dizaine d'années, tu puisses y jouer pérennement. Hein. C'est pas toi, Bruno, qui a fait une vidéo sur The Evil Within, où justement Day One. Ah mais moi justement, tu fais bien d'en reparler parce que moi je pense au pauvre garçon ou à la pauvre fille qui va acheter ça dans X années sur PS4 et il aura une version complètement qui tourne à 15 FPS quoi, qui est totalement injouable parce qu'il y aura pas le patch, il y aura pas le machin, il y aura pas le. C'est terrible. C'est terrible. Tu vois, c'est ça qui est bien avec le multi local, c'est que tu relances là pour revenir sur la Super NES Mini déjà. Quel bonheur d'avoir entre guillemets une nouvelle console. Je dis bien entre guillemets vu que c'est des consoles rétro, voilà, recalibrées, mais où t'es pas connecté. Parce que moi, le tout connecté des consoles actuelles, c'est mon côté un peu ours. À part pour télécharger sur le store, ça je trouve ça génial. Ça par contre c'est top. Mais que tout le monde voit ce que tu as fait au même, enfin je veux dire à l'instant T, machin. D'ailleurs je m'excuse pour ceux qui m'envoient des demandes d'amis. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir. C'est vrai que je suis un peu beaucoup ours moi sur console. Et du coup le fait d'allumer une console qui n'est pas connectée au net. Pour jouer à du multi local, eh ben ça fait du bien. Ça fait du bien parce que t'as moins l'impression que tu dis je suis pas observé, un tel va pas me dire tiens t'as lancé machin, tu peux me rajouter, tu peux me. Tu joues tranquille, tu étends ton truc et voilà, c'est fini et c'est. Là quand je dis ça, je fais un peu mon ermite et tout, mais c'est vrai que ça pose aussi pas mal de petits soucis quoi. Le fait d'être ultra connecté, effectivement tous ces jeux multi, comme vous le disiez, bah voilà, dans quelques années, pour retrouver vraiment l'expérience originale, à Mario Kart, tu retrouveras toujours l'expérience du multi local. Il n'y a aucun problème. Maintenant, un Battle Royale d'aujourd'hui, dans 50 piges, oui, tu peux essayer de monter un truc en réseau, mais enfin, tu n'auras pas vraiment quand même l'expérience originale. Que ton Mario Kart à deux sur Super Nintendo, à partir du moment où tu as une machine qui fonctionne, ou un émulateur sur PC, voilà, avec deux manettes branchées, tu auras l'expérience originale. Bon, après, tu peux émuler PUBG aussi, mais bon, je pense pas que ce sera aussi, je dirais, plug and play, quoi, entre guillemets. Mais bon, après, ça ce n'est que mon avis. Tu sais que certains jeux Dreamcast sont de nouveau jouables en ligne. Hein. Tu peux brancher un Raspberry en mode Wi-Fi sur ta avec un câble. Enfin, tu branches un câble RJ45 un Raspberry, que lui est ton Wi-Fi sur ta box, et tu peux te connecter à des serveurs pour jouer à des jeux Dreamcast en ligne. Bah, ça me fait penser que Nintendo, pour son service en ligne, où ils ont plus ou moins annoncé que ça allait également remplacer la Virtual Console, que ce sera voilà intégré dedans, et les jeux Super NES et NES qu'ils ont annoncé, certains auront des options de jeux en ligne. Ça, c'est pareil, c'est assez intéressant comme démarche, parce qu'avant, tu étais obligé de faire ça de manière, bah, comme tu le disais, de manière illégale. Là, tu auras, bah, je crois que Mario Kart sera dedans, etc. Tu pourras jouer vraiment en ligne officiellement sur ta Switch. Moyennant finance, vu que tu seras abonné à ton service Switch Online, des jeux qui étaient que local à l'époque vont devenir aussi jouables en ligne. Après, ça sera si c'est pas un abonnement supplémentaire, en plus un abonnement annuel. Je crois que ce sera compris, non, il me semble, hein. Mais bon, ça c'est vrai que c'est intéressant aussi des jeux qui n'étaient pas en ligne à la base, qu'ils deviennent. C'est assez rigolo quand on y pense. Enfin bon. Messieurs, dames, quelque chose à rajouter sur la question ou pas du tout? J'ai l'impression qu'on a un peu tout Oui, je vu. pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Ouais. Le jeu solo n'est pas mort. Voilà. Vive le jeu solo. On peut résumer ça comme vive le jeu Mais solo. vive aussi le jeu multi, hein, parce qu'il y a des gens bien qui y jouent. Merci de penser à moi, oui. Acceptons avec ta Voilà. différence, Mopral, sache-le. Tu seras toujours le bienvenu. Ça, c'est gentil. Moi, de toute façon, voilà, je pense que la situation n'a pas, ne va pas changer, qu'il y aura toujours du multi, qu'il y aura toujours du solo, et que dès qu'il y aura une tendance, tout le monde va basculer dessus, et puis tout le monde va faire un retour en arrière 6 mois après. Bon, voilà. C'est le jeu vidéo, finalement, depuis sa création, c'est cyclique. Avant de nous quitter, quand même, savoir un petit peu où on peut vous trouver, puisqu'il y a certainement des auditeurs qui vont dire, mais quelle pertinence dans le propos, je veux le suivre sur Twitter, absolument. Et on les comprend. Lina Nounette. Moi, c'est un peu con. Trouver, puisque en fait sur Twitter c'est Lina Nounette, donc je sais pas si c'est trop possible de me retrouver. Ça va être Sinon, compliqué, mais bon, ouais, on va je sais essayer. pas. Et puis sinon, de temps en temps, je réanime mon blog pour publier une ou deux rubriques. Pareil, c'est un peu compliqué, c'est linanounette.fr. Voilà. On voit que tout a bien été pensé à la base, comme on voit l'esprit pragmatique sans partir dans différents pseudos, machin. J'apprécie Oui, l'efficacité. ou sinon Ouais. le manque d'imagination aussi, c'est une autre possibilité. Qu'est-ce que tu as publié récemment sur ton... Enfin, récemment. La dernière publication sur ton blog, juste pour avoir un ordre d'idée. J'ai fait une publication il y a une semaine et demie Ah sur... oui, quand même. Ah oui, c'est Eh récent. ouais, eh ouais. Sur The Sexy Brutal, le petit jeu qui était sorti sur PS4 et que j'ai fait sur Switch, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, que ça soit dans son ambiance, son univers, qui sont un peu plus classiques, mais vraiment, je le recommande chaudement. C'est des thématiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et une DR qui... Mais tu as partagé sur Twitter ça, ce que j'ai pas vu passer. Oui, c'est même épinglé sur mon profil. Bon bah mea culpa. Non mais je suis victime de mon succès, tu sais, avec Là, mes mais milliers de followers. en même temps, c'était pendant l'E3, tu faisais du 24-24, 7 jours sur 7, je peux le comprendre. C'est pour ça que j'ai pas du tout été sur les réseaux sociaux, à part pour dire ouais, on a fait un débrief. Mais ouais, je suis pardonné, je pense, alors. Bon, ça Mais me bien rassure, sûr, parce tu es que toujours pardonné. c'est très gentil. Je vais partager ça de suite quand on aura terminé l'enregistrement, car il n'est jamais trop tard pour lire de bons papiers sur le net. Mopral, le maître des clés, comme on l'appelle. Parce que je suis nain, c'est ça? Non, Passe-partout. je parlais du Discord. Ah oui, Alors, je ne d'accord. savais pas que tu étais de petite taille, je suis désolé. Ah oui. Quoi qu'il y a des gens très bien qui sont de petite taille. Je suis le plus grand nain du monde, je fais 1m88, donc tu vois. Ah oui, donc là c'est moi qui est un nain à côté de toi, pour le coup. Voilà. Avec mon petit 1m71, effectivement, où peut-on te retrouver, Mopral? Alors, toujours sur Twitter, sachant que je retweete plus trop en ce moment. Et récemment, en fait, j'ai commencé pour le site Retro Games, qui fait simplement des tests rétro, en fait, de plein de vieux jeux. J'ai postulé il y a quelques jours et j'ai été pris, donc voilà, si jamais vous voulez voir ma plume, ça peut être disponible là-bas. Ah bah magnifique! C'est retrogames.fr? Je je sais pas. D'accord. C'est .fr, voilà. J'envoie c'est des papiers comme ça, puis bon, quand c'est prêt, on ne sait pas. En fait, j'ai pris une adresse au hasard, et puis j'ai envoyé un papier, ils m'ont répondu, j'ai pas compris. Je suis un troubadour, je suis libre, j'envoie mes papiers comme ça, ils atterrissent où ils veulent, c'est pas très grave. Voilà, non, c'est retrogames.fr, effectivement. D'accord. Et donc, oui, sur ton compte Twitter, tu as partagé tout ça ou... Non, pas encore, parce que c'est pas, j'ai pas encore commencé vraiment, j'ai juste écrit un test. Mais ouais, je vais commencer à partager ça sur Twitter, effectivement, si vous voulez me suivre. Sachant que j'ai arrêté de retweeter tous les concours que je faisais, donc ça c'est cool. Oui, donc du coup, tu n'alimentes plus ton blog qui était décédé déjà, là, maintenant que t'écris pour un site. Ah bah là, il est encore plus décédé que décédé, hein, effectivement. Là, il va pas se relever, là, je pense. Donc, bah, paix à son âme. Machin truc 76, toujours aux mêmes adresses, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions précédentes, c'est toujours bon de le rappeler. Oui, toujours chez Sega Legacy, un site spécialisé. Sur Nintendo, comme son nom l'indique. Voilà, sur Nintendo et Amiga. Sur le Discord où je fais un malheur avec des jeunes mots pourris, remis en image. Si ça continue comme ça, l'asile, quoi, parce que j'ai l'impression que je suis plus forcément tout seul dans ma tête. Ah, mais il en faut. Nous t'acceptons aussi avec ta différence. Je vais faire un petit tour à l'OMS. Voilà ce que c'est. Voilà les ravages du jeu vidéo. Voilà, vous avez un exemple tout à fait concret sous les yeux. Voilà, puis de temps en temps sur Twitter où je passe mon temps à retweeter des trucs, mais j'ai du mal à m'en servir. Donc voilà. D'accord. Je peux pas être partout. Non. Puis tu as une vie bien chargée, comme on le sait. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Nous le comprenons tout à fait. Balle 42. Oui, donc... Ta vie, ton œuvre, où ça se passe? Où ça se passe? Alors moi, ça se passe sur balle42.com, mais comme beaucoup, ça fait 9 mois que j'ai rien écrit. Je suis très triste de moi-même, de mon incapacité à écrire des trucs, surtout qu'en fait, j'ai eu trop de boulot. En ce moment, entre les jeux vidéo, la Switch et le boulot, c'est vrai que je manque infiniment de temps pour écrire. Donc la dernière fois que j'ai écrit, c'est sur Danganronpa. Et donc sinon, c'est pareil sur Twitter, Bal42, sur Discord, Bal42, sur Twitch, Bal42, sur YouTube, Bal42, Live Gaming. Enfin, je suis partout et je suis moi-même. Ok, et tout comme Inanunet, une certaine cohérence, ça c'est bien. Bal42 partout. Mm. Pikachux. Bah moi juste sur Twitter. Pikachu -BZH pour la Bretagne. oui, c'est vrai que je t'appelle Pikachux en plus. Je oui. prononce ce qui est complètement crétin puisque c'est Pikachu et en fait. -BZH. T'es adorable parce que tu m'as jamais repris en plus, alors qu'en fait je déforme tout le monde depuis le début. C'est ma grande spécialité, ceux qui me suivent dans l'édition quotidienne, je suis un spécialiste pour déformer les noms. Là, heureusement qu'il y a le montage pour régler tout ça, mais oui, Pikachu, à chaque fois je t'appelais comme ça, je sais pas pourquoi. Ok, donc ce sera Pikachu, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir veillé tardivement pour ce grand sujet sur le jeu solo, qui éclairera tout l'internet dès que ce sera posté. Merci, messieurs, dames, je vous fais un gros bisou, je le rappelle. Merci à toi. Merci. Je rappelle que vous pouvez retrouver donc la revue de presse JV bien sûr tous les matins. Alors je vais changer slogan pour la saison prochaine parce que je dis dès 7h, mais en fait c'est posté à 6h, donc voilà, c'est dès 6h en fait. Vous pouvez retrouver l'édition quotidienne sur tous les flux habituels. N'hésitez pas à la partager, cette émission, la grande revue de presse JV, quand elle arrivera sur les internets. En général, les grandes revues de presse marchent toujours très bien. Voilà, j'espère que vous vous souviendrez de moi quand vous serez des stars et que je serai dans le caniveau à mendier quelques piécettes. Vous vous souviendrez de cette période. Et voilà, n'hésitez pas à partager. Merci encore à vous, chers tipeurs. Donc, il y a le Tipeee, bien sûr, hein, tipeee.com/la-revue-de-presse-jv si vous voulez avoir une édition inédite chaque samedi, la revue de presse rétro, et participer au micro avec nous à cette grande édition. Bye bye, merci encore, et puis on va tous aller se coucher parce qu'on est bien fatigués. Et donc bisous tout le monde, ciao ciao. Ciao. Bonne soirée. Salut. Ciao. Messieurs, dames, excusez-moi, je suis obligé de couper 2 secondes, d'accord? J'ai mon fils qui m'appelle, donc je reviens tout de suite. Excusez-moi. Je reviens dans 2 minutes. Musique d'attente. Musique d'ascenseur. Bah oui. Vous m'entendez là ou bien? Oui, oui. Oui, oui. Parle tout seul. Non, mais là, à mon avis, il s'inquiète, il doit être encore sur PUBG. Là, on t'entend plus du tout. Mais peut-être parce que tu parles pas. Bah, Pikachu ? C'est bon, là. Ça coupe pas mal, hein. Ouais, ça coupe, là. La Bretagne et son réseau. Avec... Oh là là, ça coupe. On entend une syllabe sur deux. Par contre, j'ai l'impression que là, sur le débat, c'est moi la caution multi en ligne, parce que à chaque fois, c'est moi qui dois intervenir, parce que vous jouez jamais au jeu en ligne. Si, bah, c'est bien. Je joue au jeu en ligne, mais en... Oui, mais en ligne sur un canapé, c'est ce que tu veux dire. Oui, vous êtes aligné. J'ai pas de canapé. Alors, j'ai pas de canapé, j'ai un fauteuil. Ah. Pourquoi faut jouer en ligne sur un fauteuil de bureau pour être crédible, c'est ça? Ça se passe comment? Ah, bah, c'est, dans ta bourrée. C'est comme ça les vrais gamers, hein. Je suis désolé, si t'as pas un fauteuil de bureau, t'es pas un gamer. J'ai un fauteuil de salon, est-ce que ça compte? À moitié, allez, t'es un demi-gamer. Ça dépend, tu joues sur console ou sur PC les comme les vrais avec une souris clavier? Ouais, voilà. Les deux. Je joue un FPS à la manette. Oh, on se moque pas, je joue à GoldenEye sur manette. Hein. Non, en fait moi je suis un demi-gamer, parce que je joue, tu vois, sur un fauteuil de salon, c'est-à-dire que mon clavier est sur mes genoux, et ma souris est sur le coussin du fauteuil, mais donc à 1 cm de ma cuisse. Tu joues comment, toi? Bizarrement. Ah oui, c'est pas gagné, quand même. Ah tiens, on a oublié de parler, moi j'ai arrêté l'abonnement au PSN Plus parce que de toute façon ça servait à rien de jouer pour en ligne. En fait moi le PS Plus je m'abonne un mois à la fois quand les jeux offerts m'intéressent. Ah mais sachant qu'il faut rester abonné sinon il n'y a plus accès. Moi je joue effectivement pendant le mois où j'ai, je vais jouer aux jeux. En fait il l'achète, il prend les jeux, il les joue et les finit lui. C'est la différence avec nous. Ah tu joues beaucoup toi quand même. Ouais, bon, okay. Franchement, cette année, j'en suis qu'à 12 jeux finis. Ah bah ça va. Combien ? 12. Ouais. Sachant quand même que dans le 2, il y aura 2 ou 3 DLC de jeux. C'est pas l'année dernière où t'avais une moyenne de 0,8 jeux par semaine finis ? Purée, c'est dingue. Je crois, hein. Je te dis ça de mémoire, mais... Voyons voir sans script. Moi, j'ai regardé mon premier trophée que j'ai eu sur Horizon, c'était au mois d'avril. Je l'ai toujours pas fini, je dois être à 30 heures. Dors. Ah, il est long ? Oui, il est assez long. Je finis en 2017, 44. Ouais, voilà, sur 52 semaines. Bah, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est ça, il me semblait bien que c'était ça, à peu près 0,7-0,8. Ouais. Moi, tu divises par 10 et on est déjà pas mal. Ouais, voilà, ouais, moi, c'est à peu près ça aussi. Sachant qu'effectivement, je dois avoir des jeux à 70 heures, quoi. Après, ça dépend. Dormir, ça sert à quoi? J'ai un ami à l'OMS, si tu veux. Je peux oui, parce que si c'est au détriment de ton sommeil, c'est pas bon. Mais ce que j'ai dit en début de truc, moi je joue 1 heure le matin dans le train, 1 heure le soir, et dans mon ancien taf, j'avais 2 heures de pause déjeuner, donc je jouais 1 heure le midi. Donc déjà, toi, avant même d'être rentré chez moi, j'avais déjà joué entre 2 et 3 heures dans la journée. Quoi. Donc c'est aussi au détriment de tes relations sociales avec tes collègues. Je ne comprends pas cette phrase, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ça va faire un sacré bonus track à la fin du podcast. Ah oui, c'est clair. C'est vrai qu'on se garde tout, donc... Oh. Ouais, Bruno, tu gardes. Hein. Ah non, Brad. Tu me diras, dans les transports, qu'est-ce que tu fous de plus, quoi. Mais moi, je regarde des séries, du coup. Ouais, moi, je dors. Ouais, mais les séries, ça marche pas très bien dans le métro. Bah, tu télécharges. Tu télécharges sur Netflix. Sur Netflix, tout n'est pas disponible. Genre, je crois que les séries Marvel, tu peux pas. Oui, c'est vrai, mais il y a plein de trucs de disponibles. Donc, je précise quand même qu'on dit que je suis un psychopathe. En 2016, j'en étais qu'à 20. Ah oui, oh là là. Ah, c'est pas beaucoup, t'es monté hein. En puissance dans ton addict. Ouais. Non, c'est juste 2017 où j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, quoi. Attends, 2018, t'en es à combien, là, déjà? 14. Ah, avec 3 DLC. Ouais, enfin, ça fait quand même 11 depuis le début de l'année. Ça en fait un toutes les 2 semaines à peu près. Bon, sachant qu'il y a des semaines où je joue pas du tout. Hein. Ah bon, bah, mais ça c'est va, justement alors. Ça qui on est rassuré. Bon, en fait, tu vois, 2015, 48. Je joue sur. La vache. Sur Switch. Je joue sur tout. Hein. J'ai toutes les consoles. Joueur compulsif. Enfin, sur Flexbox. Oui, non, c'est plus joueur compulsif chez moi, oui. Et du coup, t'es complet les trophées ou... Ah non, je m'en fous des trophées, pour moi, finir un jeu, c'est juste voir les crédits. Moi, pour voir les crédits, je fais menu, option, crédit. Ouais, mais ça compte pas. Du coup, sur Far Cry 4, en fait, t'as attendu que le mec revienne et tu l'as fini en un quart d'heure, c'est ça? J'ai pas joué à Far Cry 4. C'est vrai que je devrais rien pour me faire du mal et regarder quand j'ai le temps de savoir combien de temps je passe par jeu. Mais je pense qu'il y en a, c'est lamentable. En fait, ça dépend. Moi, comment t'es, moi, j'ai plutôt tendance, en fait, quand je suis vraiment accrochée par un jeu, à y passer des centaines et des centaines d'heures, quoi. Ouais, alors que moi, ouais, au mieux, enfin, franchement, ouais, le jeu auquel j'ai dû le passer le plus d'heures, c'est Knights of the Republic, je jouais 200 heures. Le dernier Xenoblade Chronicles 2, toi, c'est miraculeux, j'ai joué 110 heures. Knight of the Old Si. Republic, tu parles pas du jeu en ligne, tu parles de... Si, si, si, Ah, si, le jeu en d'accord. ligne. C'est un MMO, j'y ai joué que Oh. 220 C'est heures. juste The Old Republic, du coup, le MMO, Oui, je normalement. crois, parce Oui, que... désolé, oui, c'est The Oui, Old Republic, d'accord. oui. Non, je voulais juste être sûr. Parce que moi, en fait, je me rappelle que Knight of the Old Republic, j'avais tellement adoré que je l'ai fait. Ben, en fait, je crois que tu avais trois personnages de chaque genre et de chaque classe, et donc je l'ai fait 6 fois à la suite. Oui, moi Ah j'ai fait autant à oui, peu pas près. mal. Ah, j'avais adoré. Ça m'arrive pas si souvent, mais quand je plonge dans un jeu, là, enfin, ça peut être genre 510 heures sur Dragon Quest 9. Ouais, mais ça m'étonne pas, Dragon Quest 9, il a une bonne rejouabilité. Hein. T'as plein de trucs à faire après la fin du jeu. En fait, t'as presque, c'est presque que le. Je vais pas dire que c'est le début, mais t'as, enfin, un autre monde s'ouvre à toi, en fait. Tu faisais les cartes au trésor, c'est ça? Ouais, tout Oui, à ce fait. système-là. Ouais, Ouais. tu sais que Thierry Falcoz sur No Life, il est pareil, il était aussi à 900 heures, je crois, un truc comme ça. Enfin, Ah, ça m'étonne pas. il passait son temps dessus. Mais c'est. Une fois que t'es dedans, et là, en fait, je réfléchis à supprimer ma sauvegarde parce que j'ai un pote qui ne l'a jamais fait et qui voudrait y jouer en coop en fait. Et donc voilà, le faire avec lui parce que ça me fera toujours plaisir de le refaire quoi. Après, c'est surtout une question de temps quoi. J'ai déjà du mal à jouer au jeu auquel je veux jouer là en ce moment. Donc si c'est pour me relancer dans Dragon Quest. Bah, disons qu'au début je pensais comme toi, et en fait maintenant je me dis, si j'ai envie de jouer à un jeu, autant que je me fasse plaisir, quoi. Enfin, après, en étant raisonnable, mais toi, genre, PUBG, l'heure que j'ai passée, j'aurais pu la passer sur un autre jeu que j'aurais pu finir. Mais je me suis dit, bah, j'ai envie de jouer à ça, allez, je me fais un peu plaisir, et puis je passe sur autre chose après, quoi. Mais c'est vraiment, Ouais, j'essaie c'est d'être dans clair. cette optique-là maintenant, de... Vraiment, à une époque, je me disais, mais non, je vais pas acheter un jeu multi parce que je prendrai jamais le temps d'y jouer, j'ai d'autres jeux à finir. Et je trouve ça bête de se restreindre et de jouer à des jeux que t'as pas forcément envie à tel moment, juste parce qu'il faut le finir, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Mais et puis là, Oui, me revoilà, excusez-moi. C'est un gros chagrinou. Ça arrive. Ah. Il a perdu à Fortnite. Il a fait top 10, bah Ah c'est ouais, pas je suffisant. comprends. Du coup, je sais même plus sur quoi. Alors en fait, on était en train de diagnostiquer BAL 42. On pense qu'il est addict. Ah, ok. D'accord, ça peut être sympa. Est-ce que je peux garder ça pour les bonus? Ah ben, on l'a dit Oui, même. si tu On en veux. parlait. Oui, On l'a même oui. dit. Ils étaient juste en train de moquer de moi parce que je leur expliquais le nombre de jeux que je finis par an. D'accord, mais ça j'aime bien parce que du coup, quand je vais réécouter ça au montage, déjà je vais me régaler et je mettrai ça dans les bonus après le générique de fin, ça peut être sympa.